Salut tout le monde, c'est Majo, bienvenue à la 87e émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. On l'avait bien le rire là. Ouais, comme d'habitude, le sourire. Eh bien, 87e émission, ce soir, c'est moi qui host, voilà. Sei est présent, coucou Sei. Oui, salut Majo, salut tout le monde. Mais malgré tout, il m'a laissé la main ce soir parce qu'il a la flemme. Exactement. Voilà, on le connaît. Exactement, on le connaît. Ça. Le fervent défenseur de la VR canapé, il est là. Pour vous servir. Donc ce soir, ce sera ma douce et voix bien rocailleuse que vous entendrez. Puisque, comme on est vieux, on a un peu décalé le podcast, vous le verrez et l'entendrez, mais du coup, puisque ça sortira plus tard, parce que voilà, on était malade, tout simplement. C'est ça. Voilà, on n'avait pas la foi. Et on l'est toujours, d'ailleurs. donc du coup, on a décalé tout ça, donc il n'y a pas que Sei, ni moi, il y a aussi Lolo, l'habituel, toujours présent, fidèle au poste, avec son fauteuil qui queen. Comment vas-tu, Lolo? Oh, salut tout le monde. Douce mélodie. Merci beaucoup. Petite dédicace du fauteuil. Donc. Tu remarqueras que Sei a attendu que tu aies une bonne bronchite, une bonne grippe bien glaireuse pour te faire hoster l'émission quand même. Parfait. C'est parfait. Plaisir de frère. Ça lui fera plus de travail, comme ça il aura plus de, oh non, je laisserai de trucs à virer. Moi je suis pour l'authenticité si tu veux. Donc non, je vais le garder sous les, exactement, tous les raclages. Exactement. Allez, donc une quinzaine peu riche en informations, mais pas mal d'articles du coup quand même qui sont tombés sur le site. On va en parler, donc ce soir, petit programme, Affected the Asylum, Silent Hill VR, Lost Ember aussi, un TPS plutôt joli, et puis celui qui a fait couler tant d'encre et de haine et de rage, Half-Life Alyx, du coup porté sur fake, éventuellement sur PSVR2 selon des leaks. Donc on va parler de tout ça ce soir, et puis comme d'habitude on partira un peu en cacahuète comme on sait bien le faire, selon notre humeur et puis tout ce qu'on a vécu sur cette quinzaine. Donc du coup, Lolo, si tu veux bien commencer par les news de la semaine. Donc Affected the Asylum, la suite d'Affected the Manor, donc qui a refait parler de lui. Oui, tout le monde, enfin, si, il y en a pas mal qui doivent se rappeler de Affected the Manor. Pourquoi? Parce qu'il avait fait déjà beaucoup de bruit sur PC. C'est une petite expérience qui paye pas de mine, qui n'a pas réellement de gameplay vu qu'on est assis et on subit l'expérience, on n'est pas vraiment actif dedans. Mais par contre, elle avait une certaine efficacité, elle avait fait pas mal de succès à sa sortie. Je crois que c'était sorti quasiment en 2017, je dirais. Je sais pas exactement, j'ai pas les dates en tête, mais c'était sorti très tôt la première partie. Après, il y a eu un remaster, c'est pas un remaster, il y a eu je une crois version qu'elle est améliorée qui était sortie. Il n'y a pas longtemps, 2019, 2020. Il n'y a pas très longtemps, donc on avait fait un test. Et au final, c'est bien que ce soit pas réellement un jeu, que c'était plutôt une expérience, on l'avait plutôt bien noté. Pourquoi? Parce que l'ambiance était là, l'esprit train fantôme de fête foraine était là. Ça faisait le job, c'était sympa, c'est le genre d'expérience à faire partager en famille quand on a du monde à la maison. Donc pour toutes ces raisons, c'était plutôt bien foutu. Et là, les développeurs reviennent, donc ils en ont très peu dit pour l'instant sur la suite. Alors à savoir quand même que Affected the Manor à la base était prévu pour être une trilogie. Et donc il n'y a jamais eu de trilogie, mais par contre la suite, donc Affected the Asylum, est annoncée sur toutes les principales plateformes VR en 2023. Alors juste un petit truc, quand tu dis que Affected the Manor ça devait être une trilogie, en fait sur la dernière mouture et la dernière mise à jour qui est sortie je crois au début de l'année, on a quand même trois chemins et trois ambiances vraiment différentes il me semble. Dans la première version, t'en avais deux déjà, deux chemins différents. T'avais deux chemins différents, mais je te parle t'as trois expériences différentes. Enfin, il me semble qu'il y a trois expériences différentes dans la nouvelle. Oui, il y a plusieurs portes, et notamment, il y en a une qui m'avait fait bien marrer. C'était quoi Il y en a une qui est très sombre, qui est vraiment dans le noir. Il y en a une avec une musique folle dingue, un peu clown, un peu clown de cirque là. Donc c'est peut-être là en fait justement qu'ils ont mis leur trilogie plutôt que sortir trois jeux différents. Ils ont mis des. Je sais pas. Mais par contre, ce qui était balèze sur Affected the Manor, c'est que la première version d'Affected the Manor n'est pas présente dans la deuxième version. Je sais pas quoi, l'édition. Je sais pas quoi, la dernière édition, on retrouve pas les mêmes choses quoi, parce que moi je me suis amusé à garder les deux, et quand tu les fais tous les deux, eh ben tu fais pas le même parcours en fait sur les deux versions. Donc est-ce qu'ils ont fait plusieurs versions qu'ils ont remis dans un package, c'est possible. Mais en tout cas, bon, on avait fait des vidéos là-dessus, on s'était bien marré, on avait bien crié. Et là, donc, Affected the Asylum reprend tout ce qui a fait d'Affected the Manor une expérience passionnante et immersive. Par contre, ils ont rajouté de nouveaux modes de jeu. Alors, c'est marrant qu'ils insistent sur le fait de nouveaux modes de jeu. Il n'y avait pas de mode de jeu. Bon. De quoi ? Pourquoi ? Non, on a eu un petit bug, un petit décrochage de Lolo, mais c'est bon. Tout va bien. Donc apparemment il y aura plus d'interactions, forcément il n'y en avait pas du tout dans Affected the Manor, et puis surtout on va pouvoir partager cette expérience à 4 en coop, donc on va pouvoir avoir peur à 4, voilà, donc rien que pour ça déjà ça va être sympa. Et ça c'est cool. Après on n'en sait pas plus, le studio a juste publié un petit trailer et juste dit que ce serait un mode coop à 4 et surtout lancement sur toutes les principales plateformes VR en 2023, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et du The Asylum, voilà. Ce qu'on peut espérer c'est que ça soit dans la même veine, ce mode multijoueur, c'est Layer of Fear je crois qui se joue à 4. Non, c'est non. pas ça, non pardon. Non, le jeu de fantômes là où tu dois traquer les fantômes. Phasmophobia. Phasmophobia, oui. Non, j'ai l'impression, justement, c'est ce que j'avais demandé. J'ai l'impression que c'est plus de l'exploration à 4. Il y a quelques petites énigmes et puis plus d'interaction quand même que le précédent. Mais c'est pas de la chasse aux fantômes comme Phasmophobia. Non, je parle pas de la chasse aux fantômes à proprement parler. Mais ce que je veux dire, c'est en termes d'ambiance, que ça soit au moins aussi cool et glauque que Phasmophobia dans son déroulé. Ouais, parce que justement, le premier Affected the Manor, c'était essentiellement une expérience. Hein, finalement, c'était pas vraiment un jeu à proprement parler. Ouais. C'est vraiment un espèce de. C'est un rail de 20 minutes. En fait, sur lequel, voilà, exactement. Donc, ouais, du coup, s'il y a une partie coop, c'est vrai que ça serait plus sympa qu'il y ait vraiment des interactions un peu comme. Phasmophobia. Phasmophobia. Putain, un peu comme ce qu'il y a dans Phasmophobia, où vraiment ça fonctionne très très bien à 4 joueurs. Ce type de gameplay. Ah, je confirme, et d'ailleurs Phasmophobia c'est vraiment le jeu que j'attends qu'il soit vraiment annoncé sur PSVR 2. J'ai trop hâte de pouvoir y jouer avec vous, hein. Franchement celui-là Tout petit studio, je sais même pas s'il était pas tout seul quand il a commencé Phasmophobia, il me semble il a dû recruter après si les développeurs nous écoutent, ça sera plus simple de porter le jeu sur PSVR 2 qu'on achète tous des casques PCVR pour jouer avec toi. Quoi. C'est ça. Alors, si vous faites pas pour vous, faites-le pour nous. Quoi. Exactement. Il a l'air chouette. La bande-annonce est sympa. Affected, ouais. Graphiquement, il a l'air d'être vraiment beau. Et il y a des super mouvements de zoom de caméra avec des super effets de... Qui rendent super coup, bien, à mon avis, en VR, ça va être une tuerie, ça. Du coup, ça se passe dans un asile, hein, pour le coup, et c'est vraiment plus sur une torture psychologique que sur du jumpscare, comme était la première expérience, de ce qu'on en voit dans le trailer. Du moins, c'est ce que ça a l'air de laisser paraître. Ok. Voilà. Bon, ben, très bien. Hâte, en tout cas, que ça sorte, ça a l'air plutôt sympa. Ouais. Ensuite, je vais être insistant, mais on va reparler de Silent Hill, hein, quand même. Il y a énormément de rumeurs encore qui sont tombées et de commentaires là sur Twitter sur le fait qu'il y ait deux remakes, enfin ou deux jeux Silent Hill qui sont en route. Alors les rumeurs, ça parle encore. Les rumeurs autour de Silent Hill, si on voulait, je pense qu'on pourrait faire une émission de 3 heures, rien que sur Silent Hill. S'il te plaît, il faudra qu'on la fasse celle-là, parce que je suis un gros fan de Silent Hill. C'est un truc de fou, tellement c'est énorme. Si on s'amuse à prendre tout ce qui a été dit sur Internet depuis 3 ou 4 ans, je vous promets, on fait une émission de 2h, 2h30 sans problème, rien que là-dessus. Donc on va passer toute la conspiration Kojima, parce que d'ailleurs il y a une super vidéo que je vous conseille vivement de regarder, c'est une très bonne introduction. C'est l'enquête la plus bizarre de l'année sur la conspiration Kojima sur YouTube. Je sais plus qui l'a fait ça, c'est MGG France. Et déjà, ça montre déjà quand même tout ce qu'il y a autour. On parle aussi du fameux Abandoned, ouais. Le fameux jeu de personnes. Blue Box, je sais pas quoi, un truc comme ça. Blue Box Studio, un truc comme ça. Et donc, c'est super intéressant. C'est un reportage complet qui est avec beaucoup de recherches, qui doit durer au moins 30 minutes ou 40 minutes. Mais c'est super complet et franchement, je vous le conseille. J'ai mis la vidéo sur le dernier article sur Silent Hill. Et bon, en supplément quand même, je voulais rappeler que ça fait un petit moment qu'on fait des articles sur Silent Hill, qu'on vous avait déjà parlé à partir du 13 mars 2020, que le site spécialisé horreur Rely on Horror avait déjà parlé il y a très longtemps que éventuellement il y aurait deux versions, donc là c'était plutôt des leaks, qu'il y aurait deux versions de Silent Hill qui seraient en préparation. Une version qui serait développée donc à l'époque par Japan Studio avec les créateurs de Silent Hill, donc Kishiro Toyama, Akira Yamaoka, le compositeur de la musique. Le génie. Et la, voilà, et le deuxième truc, c'était que éventuellement Hideo Kojima reprendrait son Silent Hills, donc qui avait été annulé chez Kojima juste après qu'il ait été viré par le fameux projet P.T. Le fameux projet P.T. Et donc aujourd'hui, on a un peu plus de recul là-dessus. On sait que Japan Studio n'existe plus, que Kishiro Toyama il a quitté le navire de Japan Studio. Kazunobu Sato, donc c'est celui qui a fait The Last Guardian, le producteur, il est parti aussi avec lui. Et Jinuya Okura, c'est le designer des Gravity Rush qui est parti. Ils ont formé ensemble un nouveau studio qui s'appelle Bouquet Game Studio. Et ils vont travailler sur un jeu d'horreur également. Mais bien sûr, ils ont quitté Japan Studio. Donc l'hypothèse de Japan Studio qui travaillerait sur un Silent Hill, elle est un petit peu... elle est plus trop existante aujourd'hui, mais il reste toujours ce fameux P.T., ce fameux Hideo Kojima qui fait énormément parler de lui en ce moment, et ce Silent Hills qui avait déjà été il y avait déjà eu un trailer avec la tête de j'ai bouffé son nom, celui qui fait dans The Walking Dead là, Redus, Norman Redus, voilà. Et donc bon, tout ça c'est bien, ça fait, on en parle depuis longtemps, sauf qu'il y a Jeu Actu, le site qui a récemment fait une interview, donc c'était en juin 2022, si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille aussi, je vous ai mis le lien dans l'article sur Silent Hill, qui a eu la chance d'interviewer Christophe Gans, donc c'est le réalisateur du Pacte des Loups, mais aussi le réalisateur du Silent Hill, le premier Silent Hill qui était sorti au cinéma. Et dans cette interview, Christophe Gans, il y va cash. Il dit que c'est plus un secret pour personne et que de toute façon, la licence Silent Hill dans le jeu vidéo va être relancée. Et justement, son prochain film, qui parlera de Silent Hill, viendra s'introduire dans la communication du lancement de ce Silent Hill. Donc en gros, lui, il dit même plus que c'est un leak ou que c'est une rumeur. Il dit cash, c'est plus un secret pour personne, Silent Hill revient. Cache. Et en plus, je vous ai calé la vidéo au moment où il dit ça, donc il y a juste à cliquer dessus et vous allez entendre le réalisateur parler. Après, il y a eu des fuites, il y a eu pas mal de fuites qui sont sorties avec différentes photos, avec des post-it de partout. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la dernière news qui est sortie, elle nous vient de Corée du Sud. Et en fait, il y a le comité d'évaluation et de l'administration des jeux en Corée qui a évalué le jeu Silent Hill, le message court. Le message court, ça pourrait être en lien avec Short Message Service, donc le SMS. Et pourquoi on parle de SMS ? Parce que donc le 8 décembre 2019, il y avait une journaliste de chez IGN, Alana Pierce, qui avait signalé par rapport à la démo de Silent Hill P.T., que normalement le jeu aurait dû avoir une partie du jeu qui allait permettre l'envoi de mails et de SMS lorsque vous jouez. Donc en gros, vous allez jouer avec des personnages dans votre jeu. Et ces personnages-là, en pleine journée, pourront vous envoyer des SMS. Donc au début du jeu, il y avait une fenêtre qui devait s'afficher et qui allait vous demander la permission que le jeu puisse vous envoyer des SMS. Ah, ça me fait penser à un jeu français qui est sorti il y a début des années 2000. C'était un jeu d'aventure où tu devais poursuivre un serial killer et tu devais aller sur internet, aller sur des sites pour faire des recherches. Tu recevais des messages aussi sur ton téléphone, tu recevais des mails. Comment il s'appelait ce jeu là? Un jeu français là. Ça me parle pas. Ça te parle pas? Putain, faut que je le retrouve. Cherche. Je vais chercher. Donc, en gros, il fallait signer une décharge. Donc, c'était intéressant parce que ça, eux avaient carrément signalé qu'ils parlaient de Silent Hill Pity, qui devait avoir ça. Et puis après, plus récemment, c'est toujours Dust Golem sur Twitter, qui est très connu pour ses différentes informations sur Silent Hill, qui lui a carrément publié 5 photos sur le dernier Silent Hill. Ces photos ont été supprimées dans les à peu près 10 minutes, un quart d'heure après publication. Bien sûr, bah, sur Internet, quand tu balances un truc, il y en a forcément un qui a fait des copies. Donc, c'est déjà sur Internet de partout. Donc, on vous a mis les photos. Mais ce qui était intéressant, est-ce c'est que c'est pas voulu ça aussi. Ah, venant de Dust Golem, je sais pas. Parce que lui, il a quand même beaucoup. Je pense qu'il connaît quelqu'un chez Capcom ou même qui fait partie de Capcom, j'en sais rien. Mais il est toujours très au courant de ce qui se passe. Pas chez Capcom, chez Konami. Non, mais cette fuite retirée au bout d'un quart d'heure, bon, ça reste un quart d'heure. Comme ça, tout le monde a le temps de faire des captures. Et après, basta, la com est faite, quoi. Peut-être. Alors, venant de lui, je sais pas. Parce que c'est quand même pas le gars qui. Ouais, si, c'est possible, ça peut arriver, mais... bon, non, mais je parle pas forcément de lui, ça peut être aussi... Il y a eu... Oui, voilà. Capcom, je veux dire, si Sony ou Konami ont décidé de lancer une fuite, c'est Konami, très facile de balancer un truc, et puis... ouais. Ouais, non, mais c'est possible. Mais enfin, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il reparle de Silent Hills de Hideo Kojima. Donc là, il fait référence... les photos et le jeu feraient référence à deux personnages qui s'appelleraient Anita et Maya. Et justement, ce qui est intéressant dans ce qu'il avait dit, c'est qu'il permettrait d'envoyer des messages SMS bien réels. Et cet opus utiliserait l'intelligence artificielle au travers de méta-humains qui serait plutôt réaliste et qui évoluerait en fonction de vos choix. Et tu pourrais continuer en pleine journée, tu recevrais des SMS et tu pourrais, en fonction de tes choix par SMS, changer le comportement de ton personnage dans le jeu le soir quand tu rentres. Donc on retrouve cette idée de SMS qui revient. Et donc là, carrément, quand je parlais tout à l'heure de la Corée du Sud avec son comité d'évaluation, qui a le jeu s'appelle Silent Hill, le message court. Ça fait penser à ça tout de suite, quoi. Tu te dis, tiens, et puis en plus quand tu vois les photos, il y a des petits post-it de partout, tu dis, tiens, c'est bizarre. Donc maintenant, on sait que Silent Hill va arriver, ça c'est clair et net, il va arriver. Alors ce sera peut-être pas VR, c'est possible, mais en tout cas on sait qu'il va débouler, et il y a quand même de nombreuses rumeurs qui ont quand même parlé de cette deuxième version avec Hideo Kojima. Ils avaient aussi signalé que Sony avait voulait s'écarter des expériences VR et sortir des jeux qui seraient à la fois plats et VR, et que Sony avait fait le forcing aussi pour renouer à la fois Konami et Kojima, qui étaient un petit peu en froid, et que c'est Sony qui faisait un petit peu le relais entre les deux, et à chaque fois ils avaient parlé d'une version VR, donc à suivre. Mais en tout cas, le feuilleton Silent Hill continue. Et je vous invite vraiment à aller voir ce reportage qui est extra. Et puis abandonner là où abandonne. Moi, je n'y crois pas du tout à ce truc-là. Je suis non, sûr ça que ça a été démenti il n'y a pas longtemps. Voilà. Encore comme quoi c'était un faux studio, enfin, ou un vrai studio. Voilà. Ouais. C'est un jeu qui n'a jamais avancé, trop de com. Enfin, bref. Ah oui, non. Et puis il y a trop de choses il y a trop de choses impossibles. C'est pour ça. Il va arriver Silent Hill. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts en espérant qu'il soit PSVR 2. Et puis voilà. Donc il pourrait faire partie d'une petite surprise, quoi. Putain, j'ai pas retrouvé mon jeu là, je suis dégoûté, depuis tout à l'heure ça dessus. Serait intéressant, j'avoue que cette idée de SMS ou de message envoyé la journée me taquine un peu l'esprit. Je me pose des questions, savoir comment ça va être mené, parce que bon, si jamais tu n'as pas tu ne donnes pas l'autorisation de recevoir des SMS la journée, est-ce que tu pourras quand même jouer à ton jeu? Et après, bon, c'est toujours pareil, hein, le discours de l'intelligence artificielle qui s'adapte, qui va changer les choix et tout ça, c'est pareil à voir en fonction de l'évolution du développement et tout ça. Mais bon, la promesse, ça va être un truc à la D3 avec différents passages possibles. Et puis, si tu loupes le SMS, tu peux quand même retomber sur tes pattes. Enfin, à mon avis, quoi. Oui, normalement, mais ça peut être sympa, parce que le truc qui te fait déjà bien flipper le soir à la maison avec le casque de réalité, et puis en pleine journée, tu reçois un SMS du mec, les mecs, ils vont devenir cinglés, quoi. Mais à la limite, ça aurait été plus trippant si tu le savais pas, tu vois. Si t'étais pas au courant. Ah oui. Ah oui, mais là, t'es obligé de signer un accord. Oui, bien sûr, jeu, mais bon. Ouais, du coup, tu te dis, putain, mais c'est qui ce mec et tout, tu vois, et puis. beaucoup de pression. T'as une cluffe, t'acceptes, et puis normalement c'est bon, ça passe. Ouais, ouais, mais justement, c'était pour garder l'effet de surprise, tu veux, de recevoir des SMS du jeu sans être au courant. Ça aurait été, je pense, plus surprenant que... Ça aurait rajouté un peu de magie à l'effet si jamais c'est le cas dans le jeu, quoi. Bon, enfin bref. Alors, en tout cas, ouais, bah, grosse hype, encore un jeu d'horreur, et c'est vrai que on sait à quel point c'est efficace. Et puis attendu, et puis en VR, on sait que ça marche. Kojima, en ce moment, on le voit avec des casques VR qui se fait prendre en photo un peu de partout. Bon, c'est un Quest 2, hein, mais... Avec un câble. Pourquoi pas. Avec un câble. Pourquoi pas. Non, mais ça fait revivre une grosse licence attendue par beaucoup de monde. Et puis, ben, si pour le coup, c'est en VR, ça sera encore mieux. Donc, Wait and see, comme d'hab, encore une info non officielle, j'ai envie de dire, mais qui, avec tous ces différents indices, laisse... Ouais, enfin, même si tu as l'interview de Christophe Gans, mais ça reste quand même pas quelque chose officiellement annoncé, ah bah, ni par PlayStation, ni par Konami. Voilà, ni par PlayStation, ni par Konami, ni par Kojima, mais Christophe Gans, il dit clairement, c'est un secret pour personne, il met les deux pieds dans le plat. La licence Konami va revenir au cinéma et dans les jeux vidéo, et il le dit cash, il le dit tel que je vous le dis. Je l'ai. C'est au même, c'est au même niveau que, comment il s'appelle, celui qui joue Silence là, dans Horizon, qui a tweeté, qui faisait des captures pour les futurs DLC de Horizon et qui s'est fait couper un peu l'herbe sous le pied par toute la commu PlayStation pour... Non, on n'était pas prêt, il ne faut pas dire ça, on enlève ça de suite. In Memoriam. Donc oui, ça, tu as retrouvé. In Memoriam, voilà. D'Eric Vienno. Ah, mais c'est... In Memoriam, d'accord. Justement, où tu allais sur des faux sites internet. Enfin, tu allais vraiment sur internet, et même, par exemple, tu pouvais aller sur le site Libération, et tu avais des pages spéciales sur le site de Libération qui étaient prévues pour avoir des faux articles liés à l'affaire que tu suivais. Et voilà, ça jouait vraiment un petit peu avec la réalité. Tu pouvais recevoir des mails du tueur en série... et c'était en quelle année ça? C'était début 2000, je crois. Donc je connais pas du tout. Tu connais pas du tout. Mais maintenant tu peux plus trop y jouer parce que les sites sont fermés, les faux articles ont été virés. Ouais, c'est un espèce de jeu de piste en fait, mais pas c'est pas un jeu vidéo classique traditionnel tel qu'on le connaît, quoi. Ah bah non, mais ça c'était sur la base d'un jeu vidéo. Par exemple, tu vois, t'avais des énigmes sur ton écran d'ordinateur, par exemple, où fallait en remettre une photo dans le bon ordre, tu vois, ou collecter des indices pour pouvoir les fusionner. Mais voilà, l'idée en fait, elle est pas nouvelle, mais elle a jamais été trop reprise depuis. Mais ça fonctionnait super bien. Et par contre, ce sont des jeux en général qui ont une date limite pour pouvoir y jouer, quoi. Au bout d'un moment, une fois que les serveurs sont coupés, ben ton jeu, même en émulation, même tu peux plus y jouer, quoi. Ouais, c'est un peu comme à l'époque les jeux qui te faisaient appeler un vrai numéro pour avoir un code ou un truc comme ça par téléphone. Il y avait ce principe là aussi. Il y avait ce principe là, ouais. Ok. Voilà. Bon, Lolo, Silent Hill VR. Silent Hill VR, ouais. Bah ouais. Rien à rajouter. Non, rien à rajouter. Je répète, Silent Hill, il arrive, c'est sûr. Maintenant, en VR, on ne sait pas. On espère. Mais il y a de grandes chances, parce que ouais, il y a quand même eu pas mal de fuites sur une version VR. Alors, est-ce qu'elle a été annulée? Est-ce que ça va continuer? En tout cas, un truc de sûr, c'est que ce serait une grosse cartouche sur un lancement de PSVR 2, ou même une grosse cartouche si ça se lançait un an après le lancement du PSVR 2. Pour la VR en général, hein, parce que si c'est, voilà. Même si c'est sur PC. Ah oui, parce que derrière, ça pourrait arriver sur PC également, donc oui, ça serait une grosse cartouche, quoi qu'on en dise. Une grosse licence attendue par beaucoup de monde. Ok. Bon, du coup, la suite. On parle de Half-Life Alyx. Ah, on va mettre les pieds dans le plat de suite. Donc, la grosse rumeur de la semaine, voilà, c'est ça. La grosse rumeur de la semaine. Non. Putaclic. Bah non, j'ai pas de source. J'ai tout inventé pour faire du putaclic. Bah ouais, bien sûr. C'est bien connu. Pour gagner du pognon, salaud. Eh ouais, oui, en plus, j'ai mis The Leak. Half-Life Alyx sortira bien sur PlayStation VR 2. Ouah, putain, il est fou. Putaclic, n'importe quoi, blasphème. Mais non, c'est pas un blasphème. Nos sources, on en avait déjà parlé. Ça fait un petit moment qu'on parle de Half-Life Alyx, depuis sa sortie d'ailleurs, qui a quand même fait un sacré tabac quand il est sorti sur PC. C'est quand même un jeu qui a marqué la VR, quoi qu'on en dise. et qui ne pouvait pas sortir sur PSVR, qui était attendu par tous les joueurs PSVR. D'ailleurs, quand Half-Life Alyx était sorti, le site pushsquare.com avait eu la chance d'interviewer l'un des créateurs, c'était Greg Comer, le designer de Half-Life Alyx, qui avait annoncé « Nous pensons que la plateforme VR de Sony a été un énorme succès pour la VR et nous supposons que beaucoup de clients Sony aimeraient découvrir ce nouveau chapitre de Half-Life sur PSVR. » Donc déjà, ils avaient montré par cette phrase que Valve n'était pas forcément fermé à un portage éventuel. C'était plus, ils tendaient un petit peu la main en disant, bah, hey, Sony, si ça vous intéresse, pourquoi pas, quoi. Faites-nous un chèque et puis on en rediscutera. Donc ça, c'était assez vieux. C'était vraiment lors de sa sortie. Bon, on sait que le PSVR, de toute façon, avec la PS4 derrière, n'aurait pas pu faire tourner Half-Life. Ça, faut pas se mentir. Par contre, le 6 janvier 2022, c'était le cofondateur de Xbox Era qui avait parlé sur Twitter. Alors lui, il avait quelques scoops à son actif. Il avait déjà annoncé le report de Battlefield 2042, l'extension de Ghost of Tsushima, et il avait aussi annoncé le remaster de Quake. Donc en général, il se trompe pas forcément. Et là, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé sur Twitter, est-ce que Alyx arrivera un jour sur PlayStation VR 2? Et sa réponse était carrément affirmative. Donc il avait dit, depuis ce qu'on m'a dit, oui. Donc c'était clair, oui. Mais je ne sais pas quand ça se passera, et je pense que c'est un de ses secrets de polichinelle. Donc en gros, tout le monde est au courant dans l'industrie, mais on n'en parle pas, mais tout le monde sait qu'il va débouler. Donc voilà. Et la dernière chose sur Half-Life Alyx, c'est carrément un petit site qui n'est pas trop connu, qui s'appelle theleak.co. C'est pour ça qu'on a titré theleak 2. Mais c'était pas le link. Le link, c'est le nom d'un site en fait. Et donc eux, c'est du cash. Hein. C'est carrément du cash. Je vais vous lire carrément ce qu'ils disent. Notre source confirme les rumeurs. Notre source nous a dit que Sony était en négociation avec Valve à propos de Half-Life Alyx depuis longtemps avant de parvenir à un accord. Le jeu a été exclusif pour la plupart des casques VR compatibles PC, mais Sony a acheté les droits pour le publier en 2023. Selon notre source, il ne sera pas publié parallèlement au lancement du PSVR 2. On ne sait pas s'il s'agit d'un remaster ou d'une version de luxe améliorée de Half-Life Alyx. Notre source a déjà reçu des informations authentiques et bien réelles. Donc lui, c'est carrément, il parle pas au conditionnel, c'est une affirmation. Sony a déjà payé les droits et le jeu devrait débouler en 2023 et c'est une affirmation. Donc voilà un truc en plus qu'on a sur Half-Life Alyx. Ce qu'il faut savoir, donc après on s'est quand même un petit peu renseigné sur la source, justement parce que c'en est une, hein, donc c'est un leak, donc c'est notre source. Et donc theleak.co, c'est un site qui est tout nouveau, qui est sorti il y a à peine un mois, c'est pour ça que personne n'en a entendu parler. Par contre, le créateur, c'est un site suédois, le créateur s'appelle Staffan Ulmert. Et lui a déjà fait plusieurs trucs, notamment un site qui s'appelle As It Linked, qui est spécialisé dans les leaks en musique sur les pochettes d'albums. Le but de ce site-là, c'est de référencer tous les albums qui ont fuité sur la toile sans jamais mettre aucun lien torrent ou aucun lien de téléchargement, mais juste en fait de créer un forum où les gens puissent parler d'un album qui vient de sortir et qui puissent discuter sur cet album, savoir s'ils ont aimé, quel titre ils préfèrent, avant la sortie officielle de l'album. Et par contre, il y a un système qui permet de... les gens peuvent télécharger directement des morceaux qui sont déjà sortis, qui sont déjà officiels, pour donner des sous aux créateurs. Donc c'est pas un site qui balance du piratage ou des choses comme ça. Et donc ce petit site, il fait quand même 2 millions, il y a quand même 2 millions d'utilisateurs par mois, donc ce qui fait une grosse communauté en musique quand même. Le petit gars suédois, il a eu un article, il a eu une interview pour la BBC, il a eu un article publié dans Metro, et il a été interviewé également dans le New York Times. Donc c'est quelqu'un c'est pas un petit liqueur dans son garage. Voilà, c'est quelqu'un qui a déjà une sacrée expérience. Donc nous, on l'a contacté. Et ce qui nous intéressait, c'était de savoir quels étaient ses objectifs pour son site The Leak. Donc on l'a un petit peu charrié dans nos commentaires en lui demandant « Vous n'êtes pas un peu taré de balancer carrément un truc si affirmatif comme quoi Half-Life Alyx allait sortir, tout ça ?» Et il nous a clairement dit qu'il n'avait pas fait ça pour faire des vues, lui, il veut en fait que The Leak devienne une référence sur, sur le leak, et donc que ce soit un site qui répertorie tous les leaks, qu'ils soient politiques, jeux vidéo, cinéma, musique. Donc voilà son ambition. Il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que ce genre de site, ça a déjà été essayé, et puis on sait ce qu'il est. Enfin, ce que les fondateurs sont devenus. Bah c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je lui ai dit attention, parce que si. Pour ceux qui savent pas, ils sont devenus quoi? Ben, en tôle. Non, enfin, il est pas en tôle. Il est recherché. Je crois que c'était Julian Assange. WikiLeaks. Ouais. WikiLeaks. Il est russe maintenant. Il a eu la nationalité russe. Ah, bah voilà, très bien. Ouais, parce qu'il est resté, je crois, enfermé dans une ambassade pendant un paquet ouais, de temps. Mais là, c'était des informations d'État, donc c'était super chaud. Ah ouais, bah, justement, vidéo. Ouais. S'il veut faire du leak politique, c'est pas la même chose que des pochettes d'albums, quoi. Mm. Ouais. Donc faut qu'il se méfie un peu. Enfin, bref. Non, bon, apparemment, de toute façon, moi, j'ai eu un petit peu la même réflexion. J'ai eu la même réflexion que toi. Je lui ai dit, attention, ton site, il a un mois. Si les premiers leaks sont pas bons, son site, il va finir, plus personne va le regarder et il sera à la poubelle. Et là, il m'a dit, j'ai 100% confiance en mes sources. Et puis d'ailleurs, il a sorti trois sources qu'il avait, parce que bien sûr, sur son site, il balance un petit peu tous les leaks qui est un peu de partout sur la toile, mais il a aussi ses propres sources. Et c'est vrai que ces trois dernières sources concernant des pochettes d'albums sont réellement sorties. Et il a dit clairement qu'il avait confiance à 100% avec. Et moi, j'ai insisté, je dis c'est vrai, t'es sûr? Il dit bah, on peut jamais être sûr de quoi que ce soit avec un leak. Hein. Il peut y avoir des dates qui peuvent être reportées, mais il m'a dit ce que je suis sûr, c'est que je suis sûr à 100% de mes sources. Voilà. D'accord. Bon. Et donc, je crois qu'il travaille avec des journalistes aussi, il me semble. Oui, ils ont une équipe de journalistes, oui, des vrais journalistes professionnels. C'est donc ils ont une carte de presse, ils travaillent. Donc il y a plusieurs équipes. Il y en a un qui est spécialisé dans la politique, et puis il y a une petite équipe pour tout ce qui est musique où là ils sont plus nombreux. Et puis pour le jeu vidéo, je crois qu'ils sont 3-4. Mais ils ont tous une carte de presse. Ils ont tous. Et puis il faut pas oublier non plus que les fuites qui peut. Il y a un musicien peut très bien travailler sur une bande originale de jeu. Et il peut y avoir aussi des fuites qui viennent de la musique. Vers le jeu. Donc finalement ça peut être intéressant de... Alors bon, nous pour l'instant on a fait que reprendre cette news qui a été derrière repris par plein de monde. Après ben, dans quelques mois on sera fixé si on voit que c'est vrai ou pas, mais en tout cas vu qu'il était tellement affirmatif, on pouvait pas passer à côté, surtout que même si on retire ce leak là, on a toujours quand même le cofondateur de Xbox Era qui a lui été aussi très affirmatif et qui s'est rarement planté en janvier 2022. Donc, et puis en plus de ça, on peut rajouter la petite truc, c'est que c'est tellement probable qu'il fallait en parler. Voilà. Tout ça pour dire aussi, pour ne pas nécessairement répondre à tous ceux qui nous envoyaient des petites crottes de nez sur les réseaux sociaux, mais voilà, l'intérêt de cet article-là, comme l'intérêt de tous les articles qu'il y a sur VR4Player, c'est d'informer les gens avec le plus de fiabilité possible. Et c'est un petit peu le même discours que celui que le fondateur de The Leak. On n'est jamais sûr de rien quand on dit qu'un jeu va sortir, c'est qu'on a une information même qui peut venir du développeur et qui peut changer ensuite du propre chef et de la propre volonté du développeur. On n'est pas responsable de ça. Quand on envoie un article sur la sortie probable de Half-Life Alyx, justement, on va vérifier auprès de la source de cette information-là, de ce leak, voilà, si c'est avéré ou pas. On va se renseigner dessus, on va voir si ce sont des journalistes, on va voir si ce sont des gars qui ont l'air plutôt fiables ou alors des bouffons qui vont balancer une information pour faire le buzz. À l'image de ce que font d'autres plus gros sites, notamment Bloomberg, puisque c'est ceux qu'on voit le plus souvent sur la scène jeu vidéo, mais qui ne font pas que du jeu vidéo, mais normalement aussi d'économie sur différents secteurs d'activité. Mais eux aussi ont leurs sources, en fait, qui ne dévoilent pas, et ça reste des bruits de couloir, en fait, qui sont colportés par des connaissances de ces divers sites et journalistes, en fait, qui enquêtent, et c'est comme ça qu'un leak se fait, quoi. C'est ça. Voilà, et c'est comme ça qu'un leak est révélé. Après, la source n'est pas... Enfin, une source qui donne un leak n'est pas forcément plus fiable qu'une autre, de par le fait qu'elle a de la notoriété, en fait. C'est juste que ça dépend de... Oui, ça m'a... Il y a certains commentaires qui m'ont marqué là-dessus. Ça dépend d'où ça vient, enfin, effectivement, mais... Mais ça, on l'a déjà dit après. Quand tu balances pareil un tweet, si tu le mets pas en anglais et si tu le mets en français, voilà, t'as pas la cred, tu vois, t'as pas la crédibilité. C'est, pour reprendre encore Bloomberg, ça a beaucoup parlé là, de dernièrement des 2 millions de casques prévus à la vente là, d'ici mars 2023. Donc on parle du PSVR 2, bien sûr, dès sa sortie là, qui était rentrée en production en septembre. Et tout le monde a relayé cette information. Alors qu'est-ce qu'on apprend de plus finalement parce que ce qu'on avait fait, du coup, c'est qu'on a fait un article début d'année. Lolo a fait un article début d'année. Et où ça reprenait quasiment tout ce qui était dit dans le site de Bloomberg, hormis la fenêtre de lancement et on va dire le lancement de la production, la date de lancement de la prod, mais enfin, qu'il y ait 1 à 2 millions de casques qui soient prévus, on l'a dit, que ça serait produit cette année, on l'a dit, et du coup, bon. Non, mais ça c'est le côté Bloomberg frustrant. Le dit. C'est le côté frustrant. Bloomberg pour le nous, dit, mais... alors c'est en anglais, donc c'est bon. Mais c'est le côté frustrant pour nous, c'est-à-dire que les informations, on voit qu'il y a beaucoup de sites généralistes qui reprennent des informations, des fois plusieurs mois après que ce soit tombé sur VR4Player seulement, voilà, on doit pas avoir la crédibilité encore, ou je ne sais quoi, alors que toutes les informations, vous les avez. En général, dans des dossiers aussi, qu'il faut se donner le temps de lire en fait les dossiers, ce qui est noté sur VR4Player. Mais les informations, en fait, elles tombent déjà. On est au courant depuis un sacré moment. Et juste parce tout que ça pour dire que nous, on n'est pas non plus le site numéro un mondial de la référence PSVR, mais c'est frustrant. Il y a quand même des infos qui passent à travers ce qu'on écrit et qui sont reprises après plus tard par d'autres qui sont plus gros et qui ont plus de crédibilité parce qu'ils sont plus gros. Voilà. Donc ça rejoint en fait ce qu'on disait au départ où The Leak, petit site qui démarre. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, selon ses sources, ça l'est, mais c'est pas parce que c'est petit que ça n'est pas forcément vrai. Voilà. C'est ça. Ouais, ce qui me fait marrer, moi, c'est que si on prend finalement Wizen Parole, jusqu'à présent, c'était qu'un YouTuber qui faisait du PSVR. Il a certainement été en contact avec un studio qui lui a annoncé que Sony, donc c'était en août 2021, que Sony avait ouvert une réunion avec des développeurs. Et là, il a eu quelques infos, notamment ces mêmes infos, ils étaient aussi sur Digital Foundry. Mais à partir de là, ça lui a donné une crédibilité. Et le pire, c'est que The Leak, quand j'en vois des commentaires qui disent « Mais qui c'est qu'est-ce que c'est que ce site ?» Personne n'est allé voir qui c'était ce mec qui était derrière. Personne ne l'a contacté pour savoir qui y avait derrière. Tout ce qu'ils disent, c'est ce type, c'est un bouffon dans un garage. Il n'est pas connu, il n'a jamais fait un bon leak. Mais tous les mecs qui font des bons leaks, il y a un moment où ils ont démarré. Sauf que là, dans ce cas-là, c'est justement pas un bouffon dans un garage, c'est un journaliste professionnel qui a une équipe complète de journalistes qui travaillent et qui ont fait leurs preuves dans la musique. Ça peut être solide. Donc c'est pas parce que son site vient juste d'avoir un mois derrière, il y a quand même du monde derrière, c'est quand même une entreprise avec des salariés, c'est pas des copains qui s'amusent à faire des recherches sur le web, avec ses propres sources, et en plus il est très affirmatif. Donc pour moi ça suffit à rajouter une carte, peut-être qu'il aura tort. Dans ce cas-là, on n'en parlera plus, TheLeak.co, ce sera fini. S'il a raison, peut-être que dans quelques semaines, tout le monde va lui courir après et partager comme un dingue tout ce qu'il dira, parce qu'il aura eu raison. Et Internet oubliera. Voilà, et Internet oubliera que tout le monde lui a craché dessus le jour où il a balancé son premier leak sur Alix. Mais nous, on fait des screenshots. On n'oublie pas. Nous, on a des screenshots. Donc, on est très rancuniers. Je trouve que c'est très cohérent. Ce qu'il annonce, je trouve qu'en plus ça va de pair avec d'autres leaks qu'il y a déjà eu sur le sujet. Et c'est pas illogique. On n'avait pas fait d'article nous pour parler de Xbox Era, donc du cofondateur d'Xbox Era, parce que j'avais dit il dit que ça sort sur Xbox. Parce qu'il y a Xbox sur, dans le titre. C'est pour ça. C'est peut-être pour ça. Et du coup là je me suis dit putain, il y en a deux de plus, donc il y a celui-là où j'avais pas fait d'article plus celui-là aujourd'hui, donc du coup on a refait un article, et puis si on en a encore deux fuites, on refera un article et puis on continuera à se faire chier dessus, on s'en fout. Putaclic. Mais au final je pense que c'est très très cohérent et très très plausible. Voilà. Yes. On devrait pas mettre aussi on devrait pas non plus faire d'article, je pense, sur Horizon, parce que Horizon aussi c'est un petit peu putaclic quand même, je trouve. C'est une trop grosse licence, on devrait pas en parler. Ah bah oui. Toi. Oui, c'est vrai. De toute façon, oui, il y en a certains, ils sont là que Au contraire, c'est intéressant quand, quand on commence à se faire chier dessus comme ça, c'est qu'on a, on a titillé un nerf. C'est bien. C'est ça qui me plaît en fait. C'est que, venez c'est nous titiller. Ah, on dérange, ça veut dire que c'est pas mal. Parce que quand on fait un truc qui intéresse personne, il n'y a personne pour venir nous chier dessus. Donc finalement, c'est peut-être un, ça a peut-être un bon signe de se faire chier dessus. Bah oui, oui. Il n'y a pas de bad buzz, hein. Il n'y a que du buzz. Hein. Tu parles de leak. Il y a une photo qui a leaké sur notre Discord tout à l'heure. Concernant la sortie d'un jeu que personne n'attend et qui est sorti dans l'indifférence la plus totale apparemment c'est Transformers Beyond Reality. Tu sais que ça fait plusieurs émissions que je mets le hashtag Transformers sur l'émission, mais on n'a rien à dire sur ce truc. Il est je vous bassine à chaque fois avec ça. Et il est sorti, il y a une photo qui est tombée, il est sorti le 5 octobre au prix dérisoire de 19,99€. Voilà, donc c'est enfin sorti sur le store européen. Ouais, sauf que les développeurs n'ont pas envie d'en parler, donc pourquoi nous on a envie d'en parler? Bah on en parle à chaque fois, en plus on est con, hein, franchement. Parce que le leak, parce qu'il y a une photo qui a leaké, quoi. C'est moi, important. J'en suis à mon troisième email, enfin plus que ça, parce qu'à chaque fois j'en envoie deux par deux. J'en suis à mon troisième email au studio pour leur en demander plus d'informations. Après, le studio, s'il n'a pas envie de parler de son jeu, ben, je ne vais pas leur courir après. Hein. Ouais. Non, mais le studio, c'est Meta 4, je crois, en plus. Mm. Oui. C'est pareil, c'est comme Xbox Era, quoi. C'est un lien avec le Quest. Ils ne veulent pas faire de promo pour le PSVR 2. Je déconne, oui, bien sûr, oui, c'est oui. Absolument pas vrai. non, mais bon, au début, tu leur demandes des infos sur le jeu, ils ne répondent pas. Après, tu renvoies, est-ce que vous pouvez nous envoyer une version de votre jeu pour qu'on fasse un test sur notre site? Ils ne répondent pas. Après, tu te dis, putain, ils n'ont pas répondu, ils n'ont peut-être pas eu. Donc, tu renvoies le message, ils ne répondent pas. Au final, tu te dis, bon, ben, leur jeu, ils n'ont pas envie de faire la promo dessus. Il est arrivé sur le PlayStation Store, ils ne savent pas comment. Et puis, ils n'ont pas envie d'en parler. Voilà, on aurait eu le jeu, on l'aurait testé, c'est sûr. Il y a l'air pourtant d'y avoir un peu de réel dessus, quand même. Mais bon. Ouais. Affaire à suivre, en tout cas, dès qu'on l'aura. Ouais. Mais tout ça pour dire que si jamais vous l'attendiez avec impatience, il est enfin dispo, si vous ne l'avez pas vu, sur le store. Il n'est pas forcément mis en avant, donc vous le cherchez dans la barre de recherche, Transformers Beyond Reality. Voilà. Du coup, bon, mais pour Half-Life Alyx, top. Moi, je voudrais juste revenir sur un truc. Il parle, donc du coup, il ne sait pas si c'est une version deluxe ou améliorée de Half-Life Alyx. Réellement, je vois pas trop ce qu'on peut avoir d'amélioré hormis les retours haptiques. Si le DLC qui serait intégré. Peut-être un peu d'eye tracking. Mais DLC de quoi? Pour la version deluxe, y a un DLC là qui vient de sortir. Ouais, il y a un truc qui est sorti sur Alyx. Non, c'est un mode. Enfin, c'est un mode. C'est sorti sur le workshop d'Alyx, mais comme il y en a énormément d'autres, celui-là a été un petit peu plus mis en avant, mais Ah oui, parce qu'il a été aidé pas, par. D'accord. Okay. C'est pas celui-là qui a été. Ah non, c'est Half-Life 2. C'est Half-Life 2 VR, le mode VR. Ouais, il y a les équipes de Valve qui ont aidé. Non, mais le jeu dont vous parlez, oui, je sais, Incursion, un truc comme ça, je crois. Oui, ben il y a la photo sur le site. Voilà. Mais qui c'est récent en plus. Ça fait pas longtemps qu'ils en ont parlé de ça. Ouais, qui a été un peu plus mis en avant. J'avoue que je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est pas le truc le plus intéressant qui est sorti sur le workshop en plus. C'est un jeu de. T'as des vagues d'ennemis qui tombent sur la gueule, faut te défendre, voilà, c'est... J'ai essayé, franchement, j'ai pas été... Un wave shooter. Voilà, c'est un wave shooter, j'ai pas du tout été conquis. D'accord. Alors qu'il y a d'autres trucs qui sont vraiment bien, bien plus cool, donc voilà. Ouais, donc du coup, version deluxe ou améliorée Bah non, je vois pas. Bah, ça, Déjà, il tient encore bien la cadence, au niveau graphisme. Bah, améliorer l'eye tracking. Oui. Voilà ce que j'ai dit, hormis les retours haptiques et peut-être un peu l'eye tracking. Voilà, c'est ça, hein, de toute façon. Seul truc qui m'embête, c'est qu'il n'y aura pas le. Plus loin, mais ce sera déjà très bien. Il n'y aura pas le workshop dessus, et ça, c'est dommage. À moins qu'ils arrivent à l'intégrer. Ah, mais... Comme tous les jeux console. Hein. C'est ça, c'est le seul truc qui est Sauf un peu dommage. Sauf Skyrim. Et donc, si Skyrim a réussi, peut-être. Là, ça ferait une sacrée belle cartouche pour le PSVR 2, par contre. Franchement, si tout ce qui a été développé déjà sur PC pour le Half-Life Alyx pouvait être retranscrit. Sur PlayStation 2, ça serait cool. Sur PlayStation 5, oh là là. Ouais, je suis mal, je suis fatigué. Oh le lapsus. Sur PS2. PS2. Okay. Oh là magnifique. Là, là, là, là. Irrécupérable. PS2. Parce que la VR, c'est de la graphisme de PS2, tout le monde le sait. Voilà. Exactement, c'est vrai. Du coup, bah, c'est tout pour Half-Life Alyx. Oui. Donc, dernière news dont on a parlé. Avant, il y a une sortie sur PSVR, j'aimerais bien en parler. Alors, je ne sais plus le titre du jeu. C'est un jeu de football américain. Transformers. Non, NFL. NFL No Man's Sky. C'est ça? NFL Pro Era, exactement. NFL ah Pro, oui, le jeu de foot. Le jeu de football le américain. Le jeu de football américain. Mmh. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut en parler, hein, parce que bon, je comprends, je connais rien. Non, alors attends, Say, tu viens de dire je voulais parler alors, d'un jeu qui vient de sortir. Et après, tu nous balances la patate chaude dans la gueule. Exactement. Et après, c'est ça, c'est démerdez-vous. Bon, alors, c'est un jeu de football américain, comme tout le monde le sait. Voilà. Le football américain, vous savez, c'est l'espèce de grosse compétition américaine qui permet de remettre en avant des chanteurs has-been et puis à mettre des pubs ultra chères. Voilà, entre deux matchs. Quoi d'autre? Moi, j'y connais absolument rien, ça m'intéresse absolument alors, pas. Alors, c'est pas un jeu où tu vas pouvoir jouer vraiment un match complet avec tous les joueurs. C'est un jeu où tu gardes juste le rôle de quarterback. Et tu, alors, je sais même pas ce que c'est, pour l'instant. J'y connais absolument rien en footballeur américain. Alors, américain. Pour l'instant, bah, le quarterback, on va dire que c'est un peu le pilier de l'équipe. C'est celui par qui le ballon transite dès le départ et le lancement du jeu. Où en fait après tu vas avoir les coéquipiers qui s'en vont vers l'avant et c'est à lui de trouver la bonne ouverture pour envoyer le ballon, on va dire, à son équipier pour aller marquer le fameux touchdown. Voilà. D'accord. Que de savoir, Majo, merci. T'as vu ça? Dans ce jeu, du coup, alors la particularité déjà c'est qu'il est réaliste. Hein, on n'est pas sur un jeu avec des personnages cubiques où on a que la tête et le tronc en fait sans jambes comme on a pu voir justement au départ du PSVR sur ce type de jeu. Là on est sur vraiment quelque chose de beaucoup plus réaliste. Comme l'a dit Laurent, on incarne uniquement le rôle de quarterback, mais vraisemblablement ils veulent aller plus loin et définir d'autres rôles possibles à jouer dans l'équipe. Le match ne se fait pas dans sa totalité en fait, où on va pas jouer le match du début jusqu'à la fin, donc sur toutes les demi-temps. Et en fait, sur les parties où vous serez pas en match, vous serez donc sur le banc, avec la possibilité de regarder le jeu d'une manière différente. Et c'est là où on a parlé un peu, et entre nous du moins, et où on est revenu sur un sujet qu'on avait déjà évoqué, sur les jeux de gestion de sport, où ça pourrait juste être génial d'être le coach. Sur le banc de touche, et là c'est un peu ce qui se passe, où on voit un peu les stratégies qui sont mises en place par le coach et tout ça, donc dans ce jeu, mais sans avoir vraiment la possibilité de pouvoir vraiment y toucher. Donc c'est pareil, c'est pas un jeu qui est très très cher, je crois que c'est 29€, 29,99€. Ouais, c'est ça. Avec voilà des graphismes qui sont relativement propres, des déplacements libres quand même, faut le dire. On n'est pas sur cher, un axe, mais c'est vraiment des déplacements libres. Bon, on n'est pas à 80€, c'est ça que je veux dire. Ah ouais, mais 30 balles pour faire le quarterback. Non, mais il est pas moche le jeu quand même. Un jeu de foot européen. Non, franchement, il y a pire. Il y a quand même une réalisation qui est plutôt pas mal. Mais voilà, ça reste encore un jeu assez cheapos dans le contenu, enfin qui peut s'étoffer et qui peut être plus complet. Mais encore un jeu qui est sorti dans l'indifférence générale. En France, parce que alors, quand en France, aux États-Unis, ouais, en France. On a vu des Let's Play qui ont bien cartonné aussi hein, sur ce jeu-là. C'est vrai. Oui, mais oui, aux États-Unis, c'est une bible. Et puis, c'est quand c'est le Super Bowl? C'est bientôt, non? Je sais pas. C'est une religion. Et oui, c'est carrément des vidéos à 36 000 vues, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, c'est la question que je me pose quand je vois ce genre de jeu qui arrive sur. Alors, qui arrive en Europe? À la limite, il y a peut-être des pays qui sont bien branchés football américain, bien que nous, c'est quand même le soccer. Par contre, après, en France, si on parle uniquement de la France, il y a 23 000 licenciés en football américain. Sur ces 23 000, il y en a combien qui jouent aux jeux vidéo? C'est quoi tes sources pour affirmer ce genre de choses? C'est quoi tes sources? Ah, tu vas, c'est Google. Tu tapes Google, nombre de licenciés football américain en France. C'est réputé Google, ça? C'est connu un peu? Bah, tu peux trouver beaucoup si de merde aussi pas, sur Google. The Leak, va voir The Leak. En tout cas, si tu prends les 23 000 licenciés, tu calcules ceux qui ont le jeu vidéo, tu calcules le pourcentage qui ont un casque PSVR ou un casque VR tout court, au final, c'est pas un titre qui va extrêmement cartonner en France. Par contre, tu fous du Neymar ou tu fous du Messi ou du Mbappé, ça va cartonner. On a bien eu des jeux de ping-pong dans l'espace. Il y en a combien de licenciés de ping-pong de l'espace en France, quoi? Le ping-pong, je suis sûr qu'il y a plus universel. De licenciés. Tu veux savoir combien il y a de licenciés de ping-pong en France? Je vais faire une recherche, je vais te dire non. Tout de suite. Pendant que je pense pense que tout le monde s'en fout. Je pense que ça. C'est ça. Moi, ça m'intéresse. Ping-pong. Racket Fury, hein, si vous connaissez pas, excellent jeu de ping-pong avec une très très bonne physique, un mode arcade et un mode réaliste, donc qui permet de jouer. 200 000 licenciés de ping-pong en France. Oh, 23 000 ouais. Sur ça le a permis à Lolo américain. De faire sa recherche, du coup. Voilà. Allez, vas-y, le ping-pong, il atomise le football américain. En France. Donc en NFL France. Pro Era, du coup, qui est, pourrait être plus ambitieux. Et je pense qu'ici, si vraiment ils tiennent parole et qu'ils élargissent les différents postes jouables, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà. En tout cas, ça n'a pas l'air déconnant non plus. Voilà, pour peu que ça intéresse certains joueurs, ben, pourquoi pas, quoi, ça doit être pas mal, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Quoi. Ça a le mérite d'être là, en tout cas. Ça a le mérite d'être là. Voilà, exactement. Donc, NFL Pro Era, merci Seid d'en avoir parlé. C'est très, très gentil de ta part. Avec plaisir. Je suis en train de chercher combien il y a de licenciés sur de la poterie en France, mais je trouve pas. Poterie. Oh, putain. Licence, là. La FFP. Google, ils n'ont pas l'information. Un autre jeu un peu plus étoffé, intéressant, alors toujours pareil, qui n'est pas annoncé, en tout cas VR pour l'instant, mais qui serait très prometteur si ça l'était, il y a quelques pistes qui nous laissent penser que c'est Lost Ember, donc du studio Moon Eyes, et tu vas nous en parler, Lolo, s'il te plaît, donc le studio allemand. Ah, je vais juste allemand. Introduire vite fait, puis après je vais laisser Sei, parce qu'il a fini le jeu cette semaine, donc ce sera plus à lui d'en parler. Par contre, je voudrais juste te reprendre sur un petit truc, c'est, on ne sait pas s'il est VR, il est VR, parce que forcément il est sorti sur PC en VR, mais surtout, surtout le jeu a été annoncé en décembre 2019 sur le site officiel, et on a les captures d'écran qu'on vous a republiées sur notre dernier article, qui indiquait que le mode VR sera publié dans une mise à jour distincte après la version initiale, et que le jeu serait également compatible PlayStation VR, et donc PC, HTC Vive, Oculus Rift, et je crois que c'était tout ce qui était annoncé. En tout cas, le PlayStation VR était parfaitement signalé et écrit sur le site officiel. Depuis, tout ce bloc texte a disparu, donc heureusement qu'on avait fait des captures pour revenir dessus. Là, aujourd'hui, ça a été remplacé par Lost Ember VR, n'est jouable que sur PC, entre parenthèses, pour l'instant. Alors nous, on avait déjà contacté le studio en septembre 2021, qui nous avait dit que de toute façon, ils voulaient porter Lost Ember sur PSVR 2, qu'ils avaient un petit peu laissé tomber la version PSVR, mais par contre, que leur souci, c'est qu'ils n'avaient pas les kits de développement et qu'ils ne savaient même pas comment les avoir. Donc là, c'était en septembre 2021, et depuis, on a essayé de les recontacter, on n'a eu aucune réponse. Alors, est-ce que ce silence veut dire que le jeu n'arrivera jamais sur PSVR 2, ou est-ce que ce silence veut dire qu'ils ont eu les kits et qu'ils ne peuvent pas en parler maintenant et qu'ils préfèrent faire la moule fermée pour l'instant? La question reste en suspens. En tout cas, notre article, à la fin, se termine bien par c'est un jeu qui... Il faut garder un œil sur celui-là. On ne sait pas s'il sortira, mais en tout cas, il y a quand même des petits trucs qui nous titillent, qui nous font dire que peut-être qu'il pourrait bien arriver. En tout cas, il était déjà annoncé par le studio sur PSVR. Bah, S'il leur manque que les dev kits et qu'il est déjà sorti sur PC, bon ben. Bah... Voilà. Donc facile, c'est un titre qui a de grandes chances, ouais, de débouler, mais. Je ne serais pas aussi affirmatif qui a testé sur PC. C'est ça. Parce que du coup, voilà, le jeu il est sorti sur PC dans sa version VR le 12 juillet 2022 et il est sorti dans sa version plate le 22 novembre 2019. C'est-à-dire qu'ils ont mis 3 ans quasiment pour sortir cette version VR de leur jeu. Donc c'est Moon Eye Studio qui a sorti ça, qui a rien fait en VR avant. En tout cas, pas d'après mes recherches. Il est disponible à 30€. 30€, en fait, t'as le jeu en plat et donc t'as aussi la version VR qui est fournie avec. Donc déjà c'est bien. C'est le genre quand t'as acheté en fait ton jeu en version plate, et ben cadeau, t'as la version VR aussi qui arrive juste derrière. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert comme ça d'ailleurs. Meilleur rapport qualité-prix que NFL Pro Era du coup. Ça dépend, parce qu'un jeu de NFL, tu peux y jouer des heures et des heures pour peu que tu sois vraiment passionné par un jeu de ballon. Tandis que ce jeu-là, contrairement à certains tests que j'ai pu lire qui m'ont fait beaucoup rire, je l'ai terminé, sans avoir récupéré tous les collectibles, je l'ai terminé en 4h30. Voilà, en explorant un petit peu et en suivant l'histoire et en prenant mon temps, voilà, 4h30 de durée de vie. Ce qui est pas un problème quand le jeu est bon, quoi. Donc voilà, tu en voudras peut-être un petit peu plus, mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé globalement. J'ai même beaucoup aimé ce jeu. Qui nous met donc dans la peau, enfin dans la peau non, parce que c'est un TPS, donc TPS sans le côté shooter, parce que t'as pas du tout de combat dedans en fait. C'est un jeu d'aventure narratif, voilà, c'est l'exploration narrative où tu vas être dans une dans un monde en fait assez tribal, un peu une ambiance de fin du monde où tu vas découvrir des vieux temples, des vieilles civilisations, avoir accès à des souvenirs. Donc tu incarnes une louve, donc qui est avec qui est incarnée par une âme d'une défunte. Tu vas en apprendre plus sur l'histoire de cette femme qui se retrouve du coup dans la louve, et tu vas être suivi par une espèce d'âme, ou un petit peu une navi comme dans Zelda 64 Ocarina of Time, mais en beaucoup moins chiant, en beaucoup moins énervant, mais qui va pareil te parler, et tu vas devoir aussi découvrir un petit peu pourquoi est-ce que ces âmes-là n'ont pas eu accès à la cité, c'est pas la cité d'or, c'est la cité lumineuse, quoi. Enfin, en gros, c'est une sorte de paradis où les âmes pures peuvent aller se reposer une fois qu'elles sont mortes. Ouais, et là où on n'ira pas, quoi. Là où on n'ira pas, non, ça c'est mort. Et découvrir, voilà, un petit peu plus sur ces deux personnages principaux. Donc à travers des souvenirs qui vont te permettre d'évoluer dans l'aventure. Moi, ce jeu-là, il m'a fait beaucoup penser à Journey. Le jeu de... Je sais plus comment s'appelle le développeur. Non plus. Genova Chen, je crois, le développeur qui avait fait ça. Et That Game Company. Et c'est, voilà, c'est un genre de jeu qui est très court, qui est très, très zen, qui est très chill. Et c'est un plaisir de parcourir. T'as pas de combat, t'as pas de violence, t'as pas de choses malsaines dedans, c'est de l'exploration. Tu sens que quelque chose s'est passé dans le lieu que tu visites, mais tu sais pas quoi, sauf quand tu découvres justement le souvenir que tu trouves après sur le terrain, quoi. Les jeux avec des loups, je sais pas ce que vous en pensez, pour moi c'est les jeux avec des gameplay aux petits oignons. J'ai jamais vraiment su pourquoi, dès que tu pilotais un cheval dans un jeu, c'était de la merde, et dès que tu t'avais un loup, ben ça tuait. Comme Zelda Twilight Princess, Okami, des trucs comme ça, c'est toujours un pied monstrueux de... Il y a combien de licenciés, voilà, à la Fédération Protectrice des Loups? Je sais pas. Il y a beaucoup de chasseurs et de bergers qui sont pas, voilà, qui sont pas licenciés. Alors après, t'incarnes pas que des loups, de ce que j'en vois, non, t'incarnes plusieurs types d'animaux. C'est ça, en fait. Des aigles. Parce que là, je vois très, très clairement, là, je suis en train de regarder, je vois un poisson qui slide sur du sable. C'est ça, une espèce de poisson chat. C'est ça, en fait. Pour passer certains passages, en fait, tu vas incarner tous les animaux que tu peux croiser dans l'aventure. Alors ça peut aller, effectivement. J'ai toujours rêvé d'être une truite. Ça peut être une taupe, ça peut être une carpe-coil, ça peut être un canard, tu vois, ça peut être un poussin. Tu peux incarner un poussin, tu peux incarner pas une libellule, mais comment ça s'appelle, une luciole aussi. Ça ne sert absolument à rien. Luciole. Ça sert absolument à rien. Ouais, mais c'est joli dans le noir. Mais du coup, ça change selon l'animal que t'as, et tu peux même incarner après des animaux beaucoup beaucoup plus gros. Ça change vraiment, l'échelle de l'environnement, et ça fonctionne plutôt bien. Et surtout, ça te donne des passages extrêmement onirique, qui peuvent parfois vraiment mettre le vertige, mais dans le bon sens du terme, toi, quelque chose que tu vis en VR. T'arrives des fois dans des grottes avec des oiseaux, mais des grottes immenses, quoi, vraiment gigantesques. T'as une impression de vertige, de gigantisme, qui est assez saisissant. Il y a plein de passages comme ça qui sont vraiment touchés par la grâce, quoi, et je pèse mes mots, en fait. Comme le jeu peut être parfois assez lent, et selon l'animal que tu vas incarner, des fois ça peut y avoir un gros changement soit d'échelle, soit de vitesse, soit de d'impression, en fait, que ça peut te donner, qui est vraiment saisissant. Et justement, il y a une maîtrise de la mise en scène et du level design qui est assez impressionnant sur ce jeu-là. En tout cas, que j'ai beaucoup aimé, perso. Le jeu est pas parfait, quand même. C'est vrai que faut aimer du coup les jeux d'exploration un petit peu tranquillou, quoi. Il y a zéro challenge dedans. Et aussi, même si c'est ah, un peu comme Stray, du coup. Un peu comme Stray, t'avais des énigmes, au moins. Ah oui. Là, t'as même pas d'énigmes. Là, il y en a pas. Enfin, il y a rien. Ouais, d'accord. T'as pas d'énigmes, t'as pas de. C'est vraiment de l'exploration narrative. C'est tout. Et ce qui va te raconter l'histoire, ça va être les lieux, ça va être les souvenirs, ça va être ce que tu vas découvrir, ça va être les discussions du petit personnage qui te suit et puis de la louve, quoi. Une très belle histoire d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a même pas de, ouais, effectivement, il y a même pas de phase de plateforme ou de trucs comme ça. C'est vraiment de. Non. De... Si, t'as des petites phases de plateforme de temps en temps, mais tu vois, quand tu meurs, tu réapparais directement à la plateforme juste avant, tu vois. C'est vraiment ce genre de jeu qui est absolument pas punitif, jamais. C'est impossible de rester bloqué, sur un pic de difficulté, il n'y en a pas. Et oui, du coup, voilà, le jeu quand même est pas parfait. Il manque de finition, c'est un studio indé, hein, Moon High Studio. Et on sent que. Pour moi, c'est vraiment un mode plus. Je vous ai déjà parlé des modes de Resident Evil, par exemple, où tu pouvais voir dans les cinématiques à droite à gauche et tu pouvais voir un petit peu de l'autre côté du décor. Et que moi ça m'intéressait et que j'adorais ça, mais du coup tu pouvais voir des bugs, l'apparition de certains personnages, etc. Et là c'est un petit peu la même chose justement que tu as dans ce jeu là. T'as le loup, en fait, quand il est hors champ, il fait n'importe quoi. Tu vois, soit c'est un modèle qui bouge pas et puis qui va slider sans animation. C'est quelque chose qui est pas acceptable le pathfinding. Qui est pas acceptable dans un jeu que tu vas payer pour jouer en VR, quoi. Après, voilà, ça reste un cadeau, une adaptation du studio, et ça, je le répète, c'est super cool. T'as des petits mouvements de caméra aussi qui sont pas bons. En général, les cinématiques, les développeurs, la plupart en tout cas, ce qu'ils font, ils mettent un mode écran de cinéma pour les cinématiques, comme ça ils se font pas chier justement avec le motion sickness et ces trucs là. Et là, ils ont fait le pari de faire exactement comme les Resident, comme les modes des Resident Evil. C'est-à-dire utiliser le moteur du jeu, et en fait tu peux regarder partout à droite à gauche. Le problème, c'est qu'ils ont laissé les mouvements de caméra des cinématiques. Ouais. Ah oui, en plus de tes mouvements de tête. En plus de tes mouvements de tête. Et ce qui est très gênant, en tout cas pour ceux qui vont être un petit peu sensibles à ça, c'est des micro-mouvements de caméra. C'est-à-dire que quand tu vois la petite luciole, la petite âme qui va au début du jeu dans un terrier pour aller choper une bestiole, et ben en fait la caméra la suit un tout petit peu. T'as des petits passages, des petits zooms, des zooms, et puis de tout petits mouvements de caméra qui baissent et qui se remet en place, qui sont assez imperceptibles, mais qui peuvent provoquer de la gêne pour le joueur. C'est un peu dommage. Ils auraient presque dû en fait laisser vraiment les caméras fixes pour les cinématiques, et puis basta. Alors peut-être qu'ils vont rajouter l'option, je sais pas, mais en tout cas il y a plein de petites choses comme ça qui me font dire que avant que ça arrive sur PSVR2 et que c'est le saut qualité de Sony et de PlayStation, va vraiment falloir qu'ils revoient un petit peu leur copie. Sur PC ça passe, parce que sur PC c'est le monde du modding, etc. On peut accepter des choses qui sont pas franchement acceptables sur console, et là ça va être le cas clairement. Il y a un gros problème aussi d'optimisation du jeu, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de freeze et de ralentissement sur une 3090 avec des graphismes. Alors le jeu est très joli, hein, mais bon, c'est pas un foudre de guerre. Ça fait un petit peu tâche. Oui, c'est pas du photoréalisme, quoi. C'est pas du photoréalisme, non. C'est beau pour l'univers dans lequel il est évolué. C'est ça. Alors les textures sont très belles. Quand tu te rapproches de certaines textures de murs, c'est bluffant de réalisme, même, tu vois. Mais ça reste quand même un univers très pastel, très à la journée, en fait, hein. assez épuré, mais très joli. Avec tu parles de pas trop l'attendre du coup de par sur PSVR2. Sa qualité de développement, on va dire, sur PSVR2 et du seal of quality de PlayStation. On en parle de Space Explorer VR. Voilà, qui a passé donc du coup le OK, tu m'as tué. Seal of quality voilà. Donc pour moi c'est pas vraiment un argument. Sur sa non-arrivée sur le store. Space Explorer VR avait pas. On a eu bien pire. Space Explorer VR avait pas de problème de framerate, sauf erreur de ma part. Oui, moi c'est je te vrai parle vraiment de ça. Oui, c'est vrai que c'est la qualité numéro 1 pour passer sur le store PlayStation. C'est surtout ça. Sur une 3090. Quoi. Alors Lost Ember là. Et... Ouais, mais comme tu dis, s'ils ont porté exactement le même jeu et qu'ils n'ont pas forcément optimisé le truc pour de la VR et que c'est vraiment plus un mode que le jeu en VR à proprement parler, bon, il y aura un peu d'optimisation à faire. Il y aura de l'optimisation, voilà, il y aura des petits réajustements à faire et j'espère en tout cas que le développeur pourra les faire parce que, je le répète, hein, c'est un jeu qui a vraiment des moments de grâce dedans qui sont vraiment cool. Quand tu arrives dans une nouvelle zone et que tu vois des lieux quand même, c'est pas un monde ouvert, hein, c'est zone par zone, après t'avances. Mais des lieux quand même qui sont vraiment gigantesques et que tu te dis voilà la petite baraque là avec de la fumée là bah, je vais pouvoir y aller et tu peux y aller, c'est vaste, c'est charmant, c'est dépaysant, c'est t'as beaucoup d'ambiances différentes aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est très ouais les côtés grand temple à redécouvrir aussi qui est vraiment sympa. Tu passes un très bon moment. Voilà, tu passes 4h30, 5h on va dire, si tu prends vraiment ton temps. Et si tu récupères tous les collectibles, tu pourras en avoir peut-être pour 7 heures de jeu, je pense, à peu près. Il y a plein de champignons à récupérer. Je sais pas ce que c'est leur délire, par contre, avec les champignons dans ce jeu-là. Mais il y a plein de types de champignons que tu peux récupérer à droite à gauche. Nature. La nature, voilà. T'as ça, t'as aussi des reliques de l'ancien monde que tu dois retrouver. Et qui paraît contribue aussi à apporter de l'atmosphère. Par exemple, tu vas arriver dans un endroit où tu devines en fait qu'il y a des enfants qui ont pu jouer. En fait, tu retrouves une vieille poupée d'une enfant et tout. Ça contribue vraiment à appuyer l'atmosphère du jeu. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter là-dessus ? Il y a un loup, c'est super cool. C'est un jeu poétique aussi, une petite aventure narrative peu poétique, bien réalisée. C'est ça, mais le plaisir juste voilà, t'es sur la plaine, tu cours avec ton loup, t'es bien, c'est sympa. Même avec ton poisson chat là qui fait des slides sur la bouillasse, et ben ça marche bien aussi. Disons qu'après un Silent Hill VR, ça passe bien quoi. Ça va faire du bien, je pense. Ça va faire du bien au cœur. Et voilà. Et je le répète, certains passages justement qui passent d'une petite promenade tranquille à un truc qui va plus te faire sortir un petit peu de ta zone de confort mais où tu t'y attends pas, et c'est très impressionnant et ouais j'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est un petit peu comme Journey, c'est peut-être le genre de jeu que je vais me refaire je pense une fois par an voire tous les deux ans rien que pour ces petits passages là qui sont vraiment kiffants quoi. Donc Lost Ember, bah, j'espère le voir sur PSVR 2. Pour le moment, j'y crois pas des masses, on verra. Et voilà quoi. Et la musique est magnifique aussi. La musique est très très très belle. Je crois que c'est El Rocco, je sais même pas s'il a joué au jeu, mais je crois que c'est un gros fan de la bande-son de ce jeu-là. Comme, après, j'ai envie de dire, comme beaucoup de jeux de sa collection. Ouais. De sa vaste collection. Le pauvre, avec tout ce qu'il a. C'est un jeu qui est sorti sur Steam, sur Xbox One, sur PS4, sur GOG, sur Nintendo Switch et bien sûr sa version VR. La version plate, elle a eu quand même de bons avis, 3262 avis sur Steam, 88% d'évaluations positives. Par contre, la version VR n'a que 50% d'avis positifs. Donc c'est peut-être un jeu qui a besoin de finir. On sait que voilà, et puis voir si c'est un succès sur PC, on aura de grandes chances de le voir arriver sur PSVR 2. Tu pourras si pas savoir la version est oubliée sur PC. Tu pourras pas le savoir. C'est terminé quoi. Ouais. Tu pourras pas le savoir à moins de voir justement le nombre de personnes qui l'ont fini sur en mode VR. D'ailleurs, je crois que c'est aux alentours de 12%. 12% des gens qui ont la version plate et VR, parce que comme la version VR est donnée avec la version plate, 12% des personnes l'ont terminé en VR. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas déconnant, quoi, je veux dire. Parce que tout le monde n'a pas un casque sur Steam, surtout sur Steam. C'est plutôt pas mal. Donc voilà. À suivre, okay. On verra bien. Ou alors, si ça se trouve, ça sortira jamais. Mais en tout cas, bon. Le studio avait cette ambition-là. Voilà. Voilà. Ok. Du coup, on a fini pour les news. Oui. Et oui. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Lolo ? Une dernière news sortie de ton chapeau magique ? Non. moi, c'était surtout l'état d'esprit. On en avait peut-être un petit peu parlé dans le dernier podcast. C'était surtout pour dire que pour l'instant, Jim Ryan avait annoncé que 20 jeux. Et que pour l'instant, on en avait eu 6 ou 7 à tout péter. Alors, c'est 20 jeux on en a reparlé, c'est 20 jeux dans la fenêtre de lancement. Et on sait qu'une fenêtre, c'est large. Le jour J. Le jour J. Donc, c'est pas forcément. Non, c'est pas le jour J. C'est dans la fenêtre de lancement. Donc, c'est. En général, la fenêtre, c'est la première année. Donc, ce n'est pas 20 jeux au lancement, mais c'est 20 jeux dans la fenêtre de lancement qu'il a dit. Voilà, la première année, il y en aura beaucoup plus. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'à mon avis, ils ont encore des cartouches qu'ils vont garder pour... disons que plus on avance, on avait dit qu'il y avait une supposition qu'éventuellement, ils sortent en 2022 ou en 2023. On avait d'ailleurs fini notre article en disant qu'on ne promettait pas qu'il allait sortir en 2022. On ne disait pas non plus qu'il allait sortir en 2023. On avait juste dit que les deux étaient possibles. Là, maintenant, c'est officiel. On sait qu'il arrive en 2023. Apparemment, les petits indices qui s'en décrochent pour l'instant... T'es sûr, t'as des sources ? Oui, c'est Sony qui l'ont clairement dit que ça arrive en 2023. Moi, Sony, ils ont dit que Humanity allait sortir. Je l'attends toujours. C'est vrai. Donc, moi, je me méfie de ce que Sony annonce. C'est pas une source fiable. C'est clair. Il y en a un paquet qui ont été annoncés qu'on attend encore. D'ailleurs, le petit jeu avec les petits soldats de plomb, il devait sortir sur PSVR. On l'a pas vu. Hein. Bref. Tout ça pour dire que de toute façon, ils vont sortir, on sait qu'il y a Resident Evil 8, on sait qu'il y a Horizon, ils ont tiré quelques cartouches, apparemment tout semble s'orienter sur le mois de mars, notamment Bloomberg qui avait des sources, qui a dit que les 2 millions étaient pour le mois de mars, donc si c'était vraiment le cas que le PSVR 2 serait commercialisé en mars, la mise à jour 7.0 aussi Lolo. Exactement, il y a la mise à jour de la PS5 7.0 qui devrait arriver autour du 8 mars, d'après Tom Anderson, qui a déjà quand même balancé pas mal de... Donc il y a des petits trucs comme ça qui semblent indiquer le mois de mars. Et donc, dans toute logique, il devrait avoir balancé un Horizon pour en mettre plein la vue, pour lancer le truc. Derrière, il y a Resident Evil qui vient en soutien, il y a No Man's Sky, il y a Firewall Ultra, il y a Walking Dead, Saints and Sinners, Retribution, Star Wars. Mais malgré tout ça, je serais pas étonné qu'il y ait quand même quelques cartouches pour vraiment lancer les précommandes et vraiment lancer le casque. Donc notamment, on en parle depuis longtemps, mais Gran Turismo qui est attendu, quoi qu'il arrive. Et puis d'autres, qui est des surprises. Donc c'est tout ça pour dire que c'est pas terminé, c'est pas les jeux qu'on a vus jusqu'à présent, il y en aura d'autres. Vous êtes hypé ? Vous êtes hypé, vous ? Ah, de plus en plus, oui. Pas par Star Wars, ni par The Walking Dead, mais je suis très hypé par Resident Evil 8 et par Horizon, et No Man's Sky, et Firewall. D'accord. Et toi, Majo, toujours hypé ? Ah oui, oui. Ouais. Bah ouais. Bon, enfin... On n'en sait pas plus, mais si l'hype doit descendre, alors que on n'a toujours pas le casque, si tu veux. Moi, j'attends, comme dit Lolo, j'attends toujours Horizon. J'ai hâte de voir ce que va devenir No Man's Sky avec ce PSVR 2. Firewall, on en a parlé l'autre jour, pareil, je suis au taquet. Et j'espère qu'il sera au moins aussi bon que le premier. Donc, j'ai aucun problème avec ce PSVR 2, je l'attends toujours autant et il me tarde qu'il soit branché à ma console. Je t'avoue que la question elle est pas innocente hein. Que franchement on en a parlé. C'est un peu ma hype est un petit peu en train de s'étioler vite fait sur ce PSVR 2. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Alors déjà sur vraie question. Les jeux qui vont sortir, déjà il y a des jeux, je suis très content que s'ils sortent sur PSVR 2, comme je vous le disais, Half-Life Felix, ça serait une très très bonne nouvelle. Resident Evil 8, c'est très très bien qu'ils sortent. Mais bon, de mon point de vue de joueur, tu les perso, as déjà fait. Je les ai déjà fait. Donc PC, voilà. Voilà, sur PC. Je vais donner vraiment mon avis, mais sans aller dans je vais pas me mettre à la place des autres joueurs ni quoi que ce soit. Je donne vraiment mon avis à moi. Et pour le moment, il n'y a rien qui me... Il n'y a pas vraiment de jeu, à part Horizon, qui a l'air sympa, mais au niveau du game design, qui a l'air quand même assez... pas limite, mais un petit peu classique. Pas libre. Pas très libre, quoi. Et puis un peu plan-plan, quoi. Même si ça va être, je pense, le premier jeu que je vais m'acheter avec le PSVR 2. Mais je pense que si j'étais pas chez Ver4Player, je me demande si j'attendrais pas un petit peu, quand même, avant de voir... pour acheter ce PSVR 2. Il est malin, il fait diminuer la hype pour qu'on puisse en avoir le jour J sans qu'il y ait une rupture de stock. Ça, c'est bon. C'est exactement ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais tu vois, franchement, si si j'avais pas l'obligation avec Verfor Player, je pense que j'attendrai un petit peu quelques mois pour avoir ce casque-là. Et aussi, vous aviez envoyé sur le Discord un lien d'une interview, je crois, du youtubeur Julien Chaise avec un responsable de Sony. Parlait un petit peu. Ah oui, avec Armin Hulst. Voilà, et qui parlait un petit peu. Donc, qui est le responsable des PlayStation Studios. Voilà, directeur des PlayStation Studios, et qui donnait un petit peu sa vision des prochains jeux développés sur PlayStation. Et ce que vous m'avez donné comme information sur ce truc-là, parce que moi j'ai pas regardé directement, ça me fait un peu peur, quoi. Enfin, je sais pas. Les jeux service. Alors, vu le discours, j'ai pas l'impression qu'il ait compris vraiment ce que les joueurs attendaient. Alors, il faut que je reprenne mes petites. Justement. PSVR 2. Il faut que je reprenne mes petites captures d'écran, puisque c'est moi qui fais la retranscription de cette interview. Merci. Alors, ça remonte à loin, donc. retranscription que je t'ai flingué. Parce que moi, j'arrivais, j'avais pas lu. je vais essayer de retrouver ça. Alors, il a surtout parlé. Il a pas dit grand chose. D'ici 2025, donc, alors, moi je pars du principe que c'est tout confondu. Hein, donc d'ici 2025, ils ont, je crois, 24 ou 25 jeux en cours de développement, dont 12 de ces jeux sont soit des jeux live, donc des jeux multi, soit des jeux service. Voilà. Donc déjà, ça en élimine la moitié sur ce que nous, on va dire, on préfère, donc à savoir le jeu solo narratif et les jeux VR. Ça veut rien dire, ça. Tu peux très bien avoir un Fortnite VR. Ensuite, sur ces 25 jeux, il y en avait la moitié qui serait sortie hors du marché console. Ça, c'était confirmé plus tard que vraiment PC. Marché console qui inclut donc le PC, mais aussi le mobile, donc les smartphones. Donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose sur lequel on a l'habitude de voir PlayStation. Et ils y vont. Voilà, donc. Quand tu dis, c'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Quand tu dis, je pense pas qu'ils ont vraiment compris ce que veulent les joueurs. Un certain type de joueurs, quoi. Puisque aujourd'hui, la majorité, on va dire des jeux, ou en tout cas ceux qui sont les plus rentables, c'est sur smartphone. Là, il y a pas photo. Enfin, ça fait des années déjà qu'on le voit et que les chiffres parlent. Ça reste quand même la plateforme où il y a le plus d'argent à se faire. Et bon, c'est que les sociétés, elles aiment bien l'argent en général. C'est ce qui les fait fonctionner. Donc pour le coup. Ils y vont. Il a aussi insisté que c'est pas parce qu'ils faisaient ça qu'ils abandonnaient, on va dire, le solo narratif, ce qui était un peu l'essence, la force de PlayStation. Voilà, l'ADN de ce que faisait PlayStation, donc des jeux avec un fort potentiel narratif et surtout une grosse mise en scène derrière, donc le fameux AAA tel qu'on le connaît. Il a aussi donc parlé un petit peu du PSVR 2. Beaucoup d'Horizon. Sur lequel il est revenu sur Horizon, donc en disant que c'était pas des petites expériences, que c'était vraiment un jeu développé, donc possédait son propre biome, donc ça c'est terme à lui. Manière de dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été développé. Après, bon, le biome, on le connaît, hein, ça reste celui d'Horizon, donc il est déjà créé. C'est pas quelque chose qui a été non plus créé pour le jeu, la version PSVR 2 de Call of the Mountain, mais ça reste quand même un jeu, on en a déjà parlé, qui est plus complet que ce qu'on a eu au lancement du premier PSVR. Voilà, donc c'est ce qui a été remonté de cette interview. Alors après, il a pas dit que ça, il a parlé d'autres choses, mais bon, on a retenu ce qui nous intéressait, du moins pour la partie VR. Moi, je trouve que c'est positif dans le sens où ça reste quand même assez clair. Et surtout, il y a une chose que pour moi, énormément de gens oublient, c'est qu'il n'y a pas que PlayStation qui fait des jeux. Quoi. Voilà. PlayStation fait des jeux, ils vont alimenter leur catalogue avec ce qu'ils ont prévu, etc. Mais il y a aussi d'autres studios, d'autres développeurs, d'autres éditeurs qui vont faire des choses par-dessus. Donc, ce sera ça aussi qui fera la complémentarité et la variété du catalogue de ce qu'on aura sur PSVR 2. Mais en tout cas, ils s'attaquent à plusieurs marchés. On sait que la moitié de ce qu'ils produisent, et ce sera ce qu'on connaît, et du solo narratif. Et puis, on verra ce qu'il y aura comme part de jeux VR dans ce qui a été prévu jusqu'à 2025. Parce qu'encore une fois, on est en 2022, donc c'est sur 3 ans. Donc ils parlent de 25 jeux quand même sur 3 ans, toutes plateformes confondues. ce qui est relativement quand même pas mal, on va pas se mentir. Ouais, je sais pas, ouais. Alors, je sais peut-être que j'en demande trop, mais j'ai besoin un petit peu d'être rassuré maintenant, savoir s'ils vont pas nous faire un PSVR bis quoi. Toi, Sony a fait du Sony, Julien Chaise a posé des bonnes questions. Mais à chaque fois, oui. Hulse a fait la truite, il s'est barré, il retombait sur ses pattes sur Horizon, et à chaque fois il précisait « je peux pas en parler », le langage habituel, donc la date, il pouvait rien il dire. Il a terminé quoi. Par ça en fait, ouais. Il a terminé par ça, et ça je trouve que c'est en fait, c'est humainement parlant, enfin, je trouve que c'est très bien, et surtout ça résume exactement... pourquoi la com est compliquée et casse-pied chez PlayStation, c'est qu'il a dit le meilleur côté de mon travail, c'est que j'essaye énormément de jeux chez plein de studios différents. Et il dit la plus mauvaise partie, c'est que je peux jamais en parler à personne. Voilà. Donc ça résume tout finalement, puisque la com est tellement verrouillée qu'il faut pas parler, que c'est que tout est secret industriel. Finalement, ça résume tout, c'est que le mec il sait énormément de choses, et enfin pas que lui du coup, mais que voilà, ils ont pas le droit d'en parler parce que tout est verrouillé et qu'ils prennent le risque de se faire défoncer ou de mettre à mal le développement ou tout un tas d'autres raisons diverses. Donc voilà, moi je l'ai pas pris comme une mauvaise interview, je l'ai pris comme quelque chose de plutôt positif et intéressant. Et puis bon, comme tu dis, on n'a pas appris énormément de choses, mais c'est vrai que cette répartition jeu PC, service, mobile, etc., on n'était pas forcément trop au courant. Ça avait déjà donc, ça qu'ils avaient 25 jeux en dev jusqu'à 2025 et qu'il y en avait la moitié qui serait PC mobile. Non, enfin, moi, si j'avais... PC mobile, on savait qu'ils allaient mettre le paquet sur le PC mobile. Le directeur oui, Sony non. en avait non mobile le directeur Sony avec Jim Ryan en avait déjà parlé de ça, de PlayStation allait... On a fait un article là-dessus il y a longtemps. Mais si, ça, c'était... Par contre, 25 jeux, non, on savait pas qu'il y avait 25 jeux. Au moins, ils sont clairs. Hein, ça veut dire qu'ils développent des trucs, quoi. Ils ont une feuille et de route. Donc c'est bien. Et la dernière chose aussi qu'ils allaient... du coup, on a vu les Spider-Man, les Uncharted et tout ça qui déboulaient sur PC. Et donc, ils ont aussi dit qu'ils allaient décaler... raccourcir du moins la durée entre la sortie sur console et la sortie sur PC de leur jeu, donc il a ramené à un an. Donc c'est à dire que au bout d'un an, une fois que le jeu sera sorti sur console, il sera aussi disponible sur PC. Voilà. Et est-ce que ça sera la même chose pour les exclus VR? Ça, on n'en sait rien. Possible. Est-ce qu'un Horizon Call of the Mountain pourra aussi arriver sur PC en mars 2024? Et dans ce cas-là, ce serait bien que le PSVR 2 soit compatible PC. C'est pas pour rien qu'ils ont mis de l'USB-C dessus quand même et qu'il n'y a qu'un fil. Ça serait bien. Il n'y a pas de boîtier. J'aimerais bien, en tout cas. J'avoue que ça serait la continuité du truc. Voilà, ça serait logique avec leur démarche. Ouais. J'attends qu'ils me fassent rêver, après. Quoi. J'attends qu'ils me fassent rêver. Je les sens encore un petit peu trop timorés, quoi. Même si c'est beaucoup mieux que la sortie du PSVR, je suis bien d'accord. Même si je suis quand même toujours très très curieux de ce PSVR 2. J'attends qu'ils m'allument complètement avec leur putain de casque. Parce que... Mais moi perso, je le vois comme ça. Je pense que là, ce qu'on a vu, en fait, on n'a rien vu. On a vu un Resident Evil 8, qu'il y a énormément de joueurs qui ont déjà fait en plat. Donc l'intérêt pour ces joueurs-là, s'ils l'ont déjà fait, est-ce qu'ils vont vouloir le refaire en VR? Moi heureusement j'ai pas voulu le faire en plat parce que je me suis dit s'il sort en VR je vais le découvrir en VR, donc je suis content, je vais le découvrir. Après c'est vrai qu'Horizon, si c'est un petit jeu de 7 heures derrière, il manque encore du lourd. C'est pas avec Star Wars où on sait les notes qu'il a eu sur PC et Quest 2, c'était pas un jeu qui a emballé non plus. Sunset Sinner qui peut être séduisant, faut voir ce qu'il va donner entre ce qu'ils nous ont montré et je parle est-ce qu'il sera réellement le jeu, parce qu'il peut y avoir une sacrée différence entre ce qu'on a vu et peut-être que visuellement peut-être que parce lui, que la surprise. Le gameplay sera toujours top, Lolo. Ça, oui, ah oui, oui, c'est oui, juste oui. Visuel, le gameplay, et techniquement le poids de ce qu'on peut avoir, mais. Moi, de toute façon, je vais me servir du 1 sur PSVR et je veux qu'il y ait une évolution par rapport au 1. Voilà, si on fait marche arrière, ça va tailler, quoi. Ouais. Mais si par contre il y a un peu de mieux par rapport au 1, pourquoi pas, quoi. Et puis après, par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout tous ces studios de PlayStation Studios qui sont quand même pas des... Donc, on a parlé de Dreams. On sait que Dreams, il ne sera pas pour le lancement du PSVR 2. Ça, c'est directement Media Molecule qui l'ont annoncé. Ce que je ne comprends toujours pas. Moi non plus. Alors, je vais revenir sur ce qu'ils avaient balancé, parce que c'est quand même eux qui avaient tweeté qu'ils avaient reçu un paquet avec 8 lentilles. Oui. Donc l'information comme quoi ils avaient reçu le dev kit DPS VR2 vient d'eux à la base. Et aujourd'hui, ils t'annoncent que Dreams ne sera pas compatible Day One, ou même que ça ne fait pas partie de la feuille de route de le rendre compatible PSVR 2. Donc ça veut dire que soit les plans ont changé, soit ils préparent autre chose. Dreams 2 ? Je sais pas. Bah, Dreams 2, c'est pareil, je vois pas. Ou alors ils ont complètement changé le moteur de Dreams. Mais... Déjà, sortir une véritable version de Dreams PS5 avec l'utilisation du disque dur, du super SSD, se servir de tout un tas de trucs. Le fait d'avoir plus de puissance, de permettre d'avoir beaucoup plus d'affichage possible dans Dreams. Parce que pour l'instant, finalement, Dreams, c'est une version PS4 qui tourne sur PS5. C'est pas une version PS5. Donc ils vont peut-être commencer par travailler là-dessus avant. Pas d'accord là-dessus. Ah ben non, pour moi Dreams c'est pas. Oui, c'est il, pas est un jeu une, PS5. Il est dans une boîte PS4, mais il reste quand même beaucoup plus qualitatif que sa version PS4. Ah oui, il y a plus, oui, mais il utilise pas. Tu peux faire plus de choses dans Dreams PS5 que dans Dreams PS4. Oui, mais il utilise pas toutes les fonctionnalités de la PS5. Il est pas natif, j'en suis sûr. Ah non, puisque c'est un y a jeu pas, PS4. Il n'y a pas de patch, y a pas de, fin c'est, comme on a expliqué il y a deux semaines, il n'y a pas le petit logo PS5 quand tu vas lancer ton jeu. Ah oui, oui, oui. Après, on n'est pas à l'abri non plus d'un Dreams 2, comme je disais tout à l'heure. Mais maintenant, enfin, quand tu vois ce qu'ils ont fait Blizzard avec Overwatch 2 là, qui vient de sortir en free-to-play, alors que ce n'est pas du tout un Overwatch 2, et pourtant c'est ce qui est marqué sur le jeu, en fait, c'est Overwatch 1.1. En gros, vu que c'est le même contenu, c'est les mêmes graphismes que le premier, et c'est le même gameplay et c'est le même code source que le premier, ils peuvent peut-être faire aussi ce genre de choses là sur Dreams, c'est-à-dire une nouvelle version de Dreams, mais vraiment uniquement avec les jeux avec une version PS5, parce que la difficulté, s'ils font pas ça ou s'ils font juste un patch PS5, c'est-à-dire qu'il y a certains développeurs qui vont développer des choses sur Dreams, sur le moteur du jeu, qui ne pourront pas tourner sur PS4. Il va falloir qu'ils fassent des menus, des sous-menus qui vont être complètement imbitables. Il faut qu'ils passent un cap, en fait, je pense. Bah, c'est déjà le cas. Enfin, même avant l'arrivée de la PS5, il y avait déjà des expériences sur PS4, même PS4 Pro, qui étaient limite. Ouais, quoi. Mais est-ce qu'il y en a en VR, hein, je parle. Est-ce qu'il y a des versions, enfin, est-ce qu'il y a des expériences sur Dreams qui tournent exclusivement sur PS5 et qui tournent pas sur PS4 FAT? Non. Qui ne tournent pas. Je pense que c'est possible. Alors, enfin, qui tourne pas. Qui ne tourne pas. Qui fasse cracher la console ou que le jeu il te dit non. Que le jeu te dit non. Non. Non, ça, non. Ça n'existe pas, mais par contre, quand tu lances l'expérience, tu sens que c'est pas possible. Ouais, mais parce que tu vois, du coup, il pourrait pas justement sortir Dreams, une nouvelle bouture qui sortira avec des expériences PSVR 2, parce que ça voudrait dire que quand t'as encore uniquement que le PSVR et puis la PS4, t'as toute une partie du jeu, en fait, que t'as acheté que tu peux pas utiliser avec... C'était le cas avec Disney Infinity. Qui était sorti sur PS3, PS4. La version PS4 qui était sortie, où justement, vu que la PS4 était plus puissante, tu pouvais afficher beaucoup plus de choses. Et après, quand tu relançais ton Disney Infinity sur PS3 et que tu essayais d'ouvrir ton fichier PS4, tu te faisais jeter parce que c'était pas possible, en fait. Et Dreams, je le verrais comme ça. Ouais, moi, c'est le principe de la transition. Bien sûr. Après, moi, ce qui m'emmerde juste, c'est que tu perds toutes les expériences qui ont déjà été créées par la commu dans sa première version, quoi. Ah non, tu peux les jouer, les vieilles versions, tu peux les jouer sur PS5. Par contre, tu peux pas jouer les versions PS5 sur PS4. Mais pas si t'as un Dreams 2. Ah non, mais ça, Dreams 2, non, j'y crois pas, parce que les développeurs de Media Molecule ont toujours dit que Dreams aurait une durée de vie de 10 ans sur les deux consoles. Oui, c'est pour ça, mais c'est juste pour revenir sur le fait qu'il n'y ait pas de version PSVR 2 prévue sur Dreams, quoi. Ah mais elle est prévue. Ils ont bien dit qu'ils avaient. Ils ont dit que ça faisait pas partie de la feuille de route. Ah non, ils ont dit ils ont en prévision de porter Dreams un jour sur PSVR 2, mais pour le moment aucun développement de ce type ne figurait sur sa feuille de route. Donc c'est prévu, mais c'est pas pour tout de suite. Ah mais dans ces cas-là, enfin, Ok, c'est un PlayStation Studio, mais quel intérêt de leur avoir envoyé le dev kit? Ouais, mais est-ce que c'est un PlayStation Studio? Ouais, mais est-ce que tu crois que, je sais, je dis n'importe quoi, mais admettons que Media Molecule planche actuellement avec London Studio pour sortir un PlayStation Home Sony Metaverse, et que là-dedans, ils ne veulent pas y encapsuler des parties de Dreams. Tu ne sais pas ce qu'il y a entre les studios non plus. Donc, ouais. Parce que Dreams s'intégrerait pas mal dans un Metaverse, par exemple. Tu pourrais faire des créations et les avoir. Oui, ah oui, pour, oui, accéder, pour, ouais. Pour pardon. Ah bah voilà. Il fait des glaires. Depuis tout à l'heure, je me retiens. Celui-là est sorti tout seul. Pour améliorer l'intérieur de ton appartement ou de ta zone de vie métaversienne. Effectivement, métaversienne, c'est chose. C'est beau, ça. Ça expliquerait peut-être. Oui, ça peut être plein de choses en fait. Donc. Pour l'instant, disons que celui-là, on sait qu'il ne sera pas dans le lot, mais on sait qu'il pourra arriver plus tard. On verra bien, pour l'instant. Non, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est bien sûr Japan Studio qui n'existe plus, mais les licences qui appartiennent toujours à Sony quand même, même si les créateurs sont partis. Bon, Astro Bot, bien sûr. On attend un Astro Bot PSVR 2, il ne faut pas se mentir. Est-ce qu'on l'aura le jour J? Ben, ça serait une super nouvelle. Est-ce qu'il arrivera plus tard? Je ne sais pas. Il y en a un aussi, l'expérience de The Last Guardian, que maintenant la PS5 aurait la patate de faire tourner tout le jeu en VR. Pourquoi avoir balancé cette petite expérience et puis pas aller plus loin, surtout que London Heist avait déboulé sur Blood and Truth, Robo Rescue avait déboulé sur Astrobot Rescue Mission. Pourquoi ils n'auraient pas fait The Last Guardian pour faire un petit essai sur PSVR? Et putain, oui, ça marchait pas mal, on a été content, on leur a offert la démo, maintenant on va s'occuper du jeu. Gran Turismo 7, on l'attend également. Surtout les jeux de bagnole qu'on avait sur PSVR, il fallait voir loin, et c'est vrai que le PSVR avait tendance à nous fracasser les images, donc ça faisait vite mal aux yeux. Il y a aussi un autre truc, c'est San Diego Studio et Wide Moon Dream qui avaient développé Starblood Arena. Et on savait qu'en janvier 2020, le site, c'était Jack of All Controllers qui affirmait que White Moon Dreams travaillait sur un nouveau titre PlayStation VR. Jamais de nouvelles depuis. Est-ce que c'est pas un jeu PSVR 2 qui devrait arriver de ce côté-là, du côté de San Diego? Et en plus, Starblood Arena, c'est le jeu qui, au bout d'un mois, a fermé ses serveurs. Ah ouais, c'est ça. Et il était bien ce jeu, mais il a pas rencontré son public. Quoi. Est-ce que ça a pas été fatal au studio aussi? Est-ce qui explique qu'on n'ait plus de nouvelles depuis? Ouais, mais il y a toujours San Diego, et San Diego est toujours sur pattes, donc est-ce qu'ils pourraient pas travailler dessus? Et puis White Mood Dream, qui avait travaillé sur celui-là, ils ont pas abandonné. Ils continuent à développer un jeu VR, mais on sait pas ce que c'est. Donc bon, et puis après bon bah ils ont fait entre temps ils ont participé parce que White Mood Dream ils ont apporté leur soutien sur Kena Bridge of Spirit, sur Returnal, sur Destruction All Star, sur Sackboy, Walking Dead Sentinel Sinner PSVR, ils y étaient aussi dessus, et Concrete Genie. Donc en fait ils travaillent peut-être, c'est peut-être des studios qui sont qu'on voit pas, et qui sont là pour épauler. Ça peut arriver de tous les côtés. Santa Monica, on n'a rien, alors qu'ils avaient quand même sorti Hear the Lies et Bound sur PlayStation VR. Ils avaient aussi fait The Morden Zombie Taxi. On en a entendu parler, il a été officialisé, il a été annoncé par Sony, et il n'est jamais sorti. C'était peut-être un jeu qui n'était pas suffisant pour le PSVR, ils ont peut-être tout simplement annulé, parce qu'ils savaient peut-être que ça allait faire un bide. Mais en tout cas, Santa Monica, il y a God of War derrière, et maintenant qu'ils balancent Horizon. On se rappelle quand même que quand ils avaient présenté le projet Morpheus en 2014, la démo qu'ils avaient montrée, donc il y avait Shuei Yoshida, ils avaient montré une démo de God of War à l'époque, en 2014. Donc pourquoi ils ne feraient pas un petit truc, et puis bing, allez, en février, ah, on ne vous a pas dit, le PSVR 2 sort en mars, et ben vous allez avoir aussi un petit God of War à la Horizon Call of the Mountain. J'attends. Des petits trucs. J'attends. Ça peut arriver. London Studio, on n'en parle pas, mais c'est pareil. À la fin de Blood and Truth, il y avait deux trucs. À la fin, il y avait le générique qui découlait. Et le dernier mot du générique, c'était « The End », point d'interrogation. Et quand tu récupérais, tu avais ton interrogatoire à la fin, je crois que tu récupérais une fiche. Et tu avais un petit mot qui disait « Nous allons revoir les aventures de Ryan Marx prochainement ». Donc il teasait carrément une suite à Blood and Truth, donc on est quasiment sûr que le PSVR 2 il va y avoir une suite. Or les studios de Sony, il y a beaucoup de jeux aussi, on attend encore la suite, hein, qui sont sortis au début du PSVR, et que Disons que ce serait cohérent avec un PSVR 2. ça serait cohérent, parce qu'on sait aussi que London Studio bosse quand même sur un jeu PSVR 2. Donc bon, ce sera peut-être quelque chose de totalement différent que Blood and Truth, mais en tout cas... Et puis il y a aussi XDev. C'est un jeu de pêche. Et XDev, ils ont quand même développé Wipeout sur le PSVR, qui était quand même... c'était Omega Collection qui était sur le PSVR, qui était bien, mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'ils ont intégré Firesprite. Firesprite, c'est que des anciens de Studio Liverpool et de Psygosis. Et dans le lot, et ben, la plupart des gens qui travaillent chez Firesprite, ils ont travaillé sur les tout premiers jeux Wipeout. Donc ils ont carrément l'essence même de Wipeout dans leur studio maintenant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui... Donc ça fait beaucoup... Mais ils ont aussi travaillé sur Call of the Mountain. Oui. Ah oui, ils ont bossé sur Call of... Mais après, tu te dis, avec tous ces studios qu'ils ont, je serais étonné... Et puis bien sûr, il y a Insomniac. On n'a pas parlé d'Insomniac, mais Insomniac, c'est pareil. Ils teasent des trucs, ils n'arrêtent pas de teaser des machins. Un coup, on sait que déjà qu'il y a les jeux PC. Alors ça ne va pas plaire à Sei, parce qu'il les a déjà fait. Insomniac, ils veulent vendre du rêve, ils sortent Spider-Man. Ben c'est ça, ou Wolverine. Wolverine. Non, mais Stormland, ils ont une licence de Stormland qui est toute prête, surtout qu'on a vu que cette licence, elle a disparu du store Oculus pendant quelques semaines, puis après elle est revenue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Insomniac ont été rachetés depuis, ils sont propriétaires de leur licence, donc ça serait un jeu facile qui serait portable sur PSVR 2, les doigts dans le nez s'ils n'ont rien à nous proposer d'autre. Ensuite, ils s'amusent, Insomniac Games, à faire des petits tweets, tu sais pas ce que ça veut dire, mais on voit Ratchet avec un Omniglove en train de regarder son gant. On sait que Sony ont déposé des brevets de gants haptiques. Est-ce qu'ils voudraient pas balancer un gant haptique plutôt qu'un aim controller sur cette génération? Est-ce qu'un gant haptique n'aurait pas un sens dans un Spider-Man? On a vu d'ailleurs une démo passer de Spider-Man en VR, où c'est qui donne bien la gerbe, où c'est que tu te balades d'immeuble. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette démo. Oui, non. C'était un mode... Non, si, si. C'était pas un mode... C'est un mode PC, peut-être, si, PC, je sais pas. Semble, ouais. FPS. Ouais. Et tu vois le type... C'est pas un mode VR, mais c'est un mode FPS. À la première personne. Et avec un gant, ça aurait du sens, parce que tu ferais ton symbole comme ça, et puis en faisant ça, tu aurais le machin qui partirait. Ou est-ce que dans Wolverine, le fait de fermer ton poing, ça ferait pas sortir les griffes? Enfin, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'hypothèses. En tout cas, Insomniac, ils ont un lourd passé en VR, et ce serait un studio idéal pour... Tu vois, ce type de gameplay, moi, j'y crois pas, et puis finalement, j'en voudrais pas, parce que tu te déplaces comment, en fait? Tu passes ton temps à courir? Ah, moi, c'est oui, le regret que j'ai sur ces Sense, c'est de ne pas avoir le scratch comme il y a sur les Valve, de pouvoir bloquer ta manette dans la main quand tu puisses l'ouvrir, fermer comme ça. De pouvoir la tenir comme ça sur l'index. Voilà, ouais. Ça, c'est le regret. Ouais. Il me semble que tu as une Dragon en plus, qu'on n'a pas vu encore, mais qui a été confirmée, je ne sais plus où je l'avais lu. Mais effectivement, ouais, le fait de l'enfiler avec la sangle qui te maintient bien la main collée, ouais, je crois que ça n'existe pas. Après, t'as toujours moyen de t'ébrouiller avec ta dragonne. Normalement, si t'es un petit peu malin, tu trouves des moyens pour essayer de la mettre justement et de le faire le truc à façon, quoi. Tu peux toujours te débrouiller. En fait. Donc après, oui, mais le problème c'est si c'est pas officialisé, les développeurs vont pas se servir pour jouer du piano. Ils vont pas l'utiliser. Par exemple, tu gardes les mains au doigt et puis tu, voilà, c'est tu vrai. Fais. Ouais. Mais disons qu'il y a pas mal de studios quand même, et puis surtout il y a toute cette logique derrière Sony qui ont insisté quand même en disant qu'ils voulaient s'arrêter sur ce type d'expérience, et que maintenant ils voulaient porter plus de jeux qui sortiraient à la fois en plat et à la fois. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je suis plus en train de regarder les prochaines sorties PS5 et ce qui va sortir en mars 2023, en avril 2023. Regardez un petit peu ce qui arrive pour voir s'il n'y a pas éventuellement des jeux potentiels qui pourraient être... On sait qu'ils arrivent en plat, mais on ne sait pas encore qu'ils arrivent en VR. Et boum, ils vont nous dire, ah bah, finalement, ils arrivent dans les deux. Quoi. C'est ça que je veux. Ils ont la possibilité de le faire, et s'ils font ça, ils vont tout niquer, hein, clairement. Donc, mais j'attends vraiment maintenant qu'ils passent la seconde, quoi, vraiment. Pour ce nouveau test. Je vais répéter, mais c'est ce que fait très bien Dreams. Oui, bien sûr. Des jeux qui sont développés pour la VR, il y en a d'autres qui ne sont pas développés pour la VR, mais que tu peux quand même jouer en VR, pas en mode cinéma, mais vraiment en VR. Mais Dreams, c'est de la magie pour ça, hein. C'est vraiment génial. Et justement, que tout l'écosystème PlayStation puisse fonctionner de la même façon, bah, ça me ferait rêver, vraiment. Mais alors là, je l'achète direct le PSVR 2, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon. Pour le moment, c'est encore un peu timide. J'ai l'impression que c'est très tôt. Moi, ce qui me fait plus en plus penser au mois de mars, c'est que... Tu te fais retourner le cerveau par tout ce que tu entends, ça. Non, j'écouterai ouais, en plus. Non, et puis la Paris Games Week qui commence à communiquer en disant que pour la première fois depuis des années, ce qui est vrai, il y aura PlayStation, il y aura Xbox et il y aura Nintendo. Oui. Par contre, aucun constructeur ne commente. Je pensais que après l'annonce de la Paris Games Week, les constructeurs allaient communiquer derrière en disant on sera présent, il y aura peut-être un showcase, il y aura peut-être. Alors, personne ne dit rien. Nous, on y sera et pour y avoir été récemment, en plus ils ont teasé comme des salauds. Bah oui. Découvrez en avant-première les jeux jouables PlayStation, Nintendo, Xbox, Capcom, machin. Et en fait, quand tu lis la liste, t'as 4 jeux dont ils te parlent et absolument pas de ce qu'ils t'ont teasé dans le titre. En fait, et restez avec nous pour connaître la suite du programme. Enfin, juste pour rappel, on est à 3 semaines de l'événement. On est à 3 semaines de l'événement. Voilà. PlayStation n'a rien dit, donc le showcase à la Paris Games Week, faut pas y compter. On sait même pas si le PSVR 2 on pourra l'essayer là-bas. Les hôtels sont bien pleins, donc même s'ils se réveillent dans 2 semaines, même si ceux qui n'habitent pas sur Paris, ils ne vont pas trouver un hôtel pour pouvoir y aller. C'est bizarre quand même pour moi, soit il n'y aura rien, enfin, c'est même trop tard pour en parler maintenant. Je ne sais pas à quoi ils jouent là-dessus. Mais... Bah, c'est foireux. Ouais, ou pas, puisque aujourd'hui, ils peuvent annoncer ça 1 semaine avant ou 3 jours avant. Ouais, une semaine avant, t'habites à Marseille, tu dis ouais, hop, je vais prendre le train, je vais arriver là-bas, alors, je trouve pas un hôtel, je vais dormir sous un pont, quoi. Déjà la billetterie, la PGW l'a annoncé, la billetterie, il y aura aucun billet vendu sur place, et ça c'est quand même une première, puisque habituellement tu pouvais quand même acheter tes billets en arrivant là-bas, et surtout c'est un nombre de billets limité. Donc même s'ils annoncent ça à la dernière minute, ça ne fera pas réellement augmenter l'affluence. Enfin, ouais. Hormis s'ils n'ont pas vendu tous leurs billets, si tu veux. Mais je pense que déjà, ça risque d'être de toute façon limité à la base. Et ce n'est pas ce qui créera plus le bordel, entre guillemets, sur l'événement. Mais par contre, ça peut rester un argument de leur communication en disant voilà, bon, ben, une semaine avant ils te l'annoncent, enfin ils te montrent d'autres trucs et puis ils vont te dire ce sera jouable à la PGW sur tel stand. Ou alors ils vont faire uniquement du Call of the Mountain et du Resident Evil 8 et puis c'est tout. Ça sera déjà pas mal, hein, mieux que rien en tout cas. Ouais, ben, c'est un peu comme ils avaient fait pour Iron Man. Il me semble que c'était une démo qui avait été essayée par énormément de journalistes en amont. Et qu'ils avaient rebalancé cette même démo ensuite 6 mois après au public. À voir. À voir. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, s'il y a des news, comptez sur nous, on vous en parlera. Voilà. Moi, j'attends plus. J'attends plus que on ce qu'on sera a vu. Moi aussi. Beaucoup plus. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, ça y est. Non, je sais que... Lost Ember fini, le PSVR est à baisse de hype terminé. Ouais, je suis désolé de passer encore pour le gros con. Tu es un peu chafouin ce soir. Blasé, mais c'est vrai que, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, hein, quand tu connais les possibilités de la réalité virtuelle, quand tu vois ce qu'il est possible de faire, quand tu te donnes les moyens en termes de vrais gros jeux qui te foutent vraiment sur le cul... Pour le moment, de tout ce que j'ai vu, il n'y a pas grand-chose qui me hype quand même. Et moi, je demande juste qu'à être, qu'est-ce que la machine soit relancée. Hein. Je demande vraiment que ça. J'attends. J'attends vraiment de voir un responsable chez Sony réellement passionné et pas un vendeur de cuisine qui me montre qu'il a compris ce que je voulais, moi. Tu vois ? Ah, putain, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Alors, il va falloir que je retrouve le nom. Il y a eu un petit changement. Notamment au niveau de la VR, donc en interne, au niveau des têtes pensantes de chez PlayStation, puisque c'est une chargée de com chez Nike qui vient d'arriver. Chez Nike, une tueuse apparemment, une tueuse du marketing, ouais. Apparemment. Qui vient d'arriver donc de chez Nike pour encadrer la partie PlayStation VR. La partie PlayStation Store et je ne sais plus quelle autre partie. Bref, enfin une nouvelle tête en tout cas qui vient d'arriver pour faire la promotion. Il l'appelle The Game Changer. Ce game changer. Coup, vous m'avez convaincu, les mecs. Là, je suis complètement rassuré. On a une vendeuse de pompes qui va nous vendre. Peut-être que le stagiaire va démissionner. On l'aimait bien, le stagiaire. Il faisait n'importe quoi. Celui qui gère, celui qui gère la mise en avant PS Store. Il était pété au chichon. Enfin bref, H24. C'est nimp sur le truc. C'est vrai que ça a été. C'est quand même un fait intéressant parce qu'on a une tête, on va dire, qui s'occupe de la promotion du PSVR. Ce qui visiblement. Jusqu'à aujourd'hui était quelque chose de compliqué et puis on sait même pas d'ailleurs qui s'en occupait aujourd'hui de la communication du PSVR. Là au moins c'est officiel, on aura quelqu'un sur qui taper quand on sera pas content. Voilà. Cool. On lui fera des messages personnalisés sur Twitter. Non, je déconne. Calmez-vous, pas de harcèlement, je plaisante. Non, c'est une blague. Il y a suffisamment de gens comme ça sur Twitter, on va pas rajouter encore. Du coup moi j'ai quand même une petite news à balancer, hein, bien entendu. Alors tout le monde se demande de quoi ça va parler. Ça a parlé de No Man's Sky. Ah, ça faisait longtemps. J'en ai marre de rajouter le hashtag No Man's Sky aussi de chaque émission. Avant sa sortie donc sur PSVR 2, No Man's Sky agrandit encore sa famille puisque donc c'est la mise à jour Waypoint, donc c'est la version 4.0. Et à l'heure où on vous parle, donc c'est-à-dire 2 jours après la sortie officielle de la 4.0, il y a déjà la 4.03. Vous savez comment ça se passe chez Logames. Toi, il y a toujours des correctifs pour corriger les correctifs. Mais du coup, surtout la grosse nouveauté, c'est que le jeu arrive enfin sur Switch. Donc avec ça, en fait, son lot d'améliorations. Alors, il y en a une multitude, comme d'habitude, donc je vous invite à aller sur le site nomansky.com qui relaie tout. Les détails de cette mise à jour, on va juste passer en revue les principaux. Donc, comme d'habitude, des améliorations graphiques au niveau de l'environnement, des petits effets spéciaux. Il y a de nouveaux astéroïdes, donc avec plus de ressources à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Une des plus importantes quand même aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de choses à faire dans No Man's Sky et c'était quand même relativement compliqué de naviguer dans l'inventaire et sur les divers onglets. Alors pour ceux qui ont le jeu depuis des années, on avait l'habitude, donc on savait plus ou moins où on allait, mais c'est vrai que parfois c'était un peu fastidieux et long. Donc là ils ont revu totalement cette partie là où aujourd'hui, ils ont, on va dire, mélangé la partie amélioration de l'équipement et la partie craft matériaux donc, que tu vas avoir dans les diverses zones de ton inventaire, donc que ce soit dans ta combinaison, sur ton vaisseau, ton cargo ou autre. Donc ça, c'est quand même une très très grosse évolution. Ils ont aussi rajouté une partie du choix de mode de difficulté, donc c'est-à-dire que à l'époque, tu avais le mode histoire où tu choisissais donc ta difficulté qui surtout influait sur, en fait, on va dire, la vélocité des ennemis et le permadeath, enfin la mort permanente ou non, en fait. Ce qui, bah, ça te faisait recommencer le jeu au départ ou pas. Et là, en fait, ils ont rajouté tout un tas de différents choix que tu peux intégrer, même si tu as ta partie en cours, en fait, tu peux faire tout un tas de modifications sur la difficulté de ça. Donc, en fait, ça va justement de la force des ennemis en passant par la vitesse de rechargement de ton jetpack. Est-ce que tu as besoin de carburant pour décoller ou non? Est-ce que tu as besoin de faire le plein de munitions, etc. Toutes ces petites choses sont modifiables, en fait, à ta guise. Donc, tu as je veux rien modifier du tout, je veux avoir tout le temps le plein de mes armes, le maximum de carburant, etc. et pas m'emmerder avec ça, mais par contre je veux quand même avoir des ennemis qui soient violents. Donc ça c'est vraiment quelque chose de personnalisable à souhait qu'ils ont rajouté. Et quand je vois toutes ces petites améliorations et on va dire simplicité, ça me fait me dire que c'est énormément adapté à la Switch. C'est-à-dire que la Switch aujourd'hui, on le sait, le public c'est plus des enfants. Et est-ce que ça serait pas pour quoi ? C'est la vérité. Est-ce que ça serait pas plus pour justement être plus accessible à ce type de joueurs que cette refonte, on va dire, ergonomique a été faite ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et puis voilà, bon, mais après, comme je dis, comme d'habitude, les diverses améliorations. Il y a aussi, il y a la fusée, ce qu'ils appellent la fusée commerciale, donc qui permet de faire du trading, on va dire, de ressources de n'importe où dans la planète. depuis la planète, pardon, où en fait on charge, on va dire, une espèce de fusée de différents matériaux, pardon, qu'on veut vendre, et ensuite on l'expulse, enfin elle décolle pour aller à destination de la station spatiale, donc dans la galaxie où vous êtes, de manière à être vendue directement. Et ce qui est assez marrant, c'est que tu peux les croiser. C'est-à-dire que quand tu te diriges en vaisseau vers ta station spatiale, tu peux voir une fusée envoyée par quelqu'un qui va tracer à côté de toi à direction de la station, de manière à aller vendre ses ressources. Voilà. Donc, bon. Allez voir encore une fois le patch note qui est énorme sur cette mise à jour Waypoint. Beaucoup de travail encore de la part d'Hello Games. Ils l'ont dit eux-mêmes sur cette nouvelle mise à jour. Et puis, hâte encore une fois d'avoir le fameux PSVR 2 pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà. J'aurais aussi une petite chose à rajouter. qui n'a rien à voir avec la VR. Le patch normalement After the Fall maintenant. Non, pas du tout. Je vends un vélo. non, juste on râle souvent, vous savez, sur les systèmes, les plateformes de location de jeux, enfin les PS Plus Premium, les Game Pass et le démat en général. Juste pour dire que j'ai été faire un petit tour dans les bacs à jeux de diverses boutiques et j'ai trouvé un jeu Kingdom Hearts 3 que je voulais m'acheter donc il y a quelques temps, enfin que j'avais marqué sur ma liste de jeux à acheter et à faire. Et je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté pour pas très cher, je crois que je l'ai payé 8,50€. Je crois que c'est ça que j'aurais, enfin bref, moins de 9€. Et par curiosité, j'ai voulu aller voir combien il coûtait sur le store PlayStation, donc du coup, et il est à 70€. Voilà, donc c'est un jeu qui a 3 ans, je crois, maintenant. Et je trouve que ça fait un peu chéros, voilà. Donc quand on vous dit qu'il faut faire attention aussi, et pas uniquement voir par tout ce qui est dématérialisé, que ce soit le système d'abonnement ou même les jeux sur les stores, et quand même garder un peu cette notion de physique, parce que le marché de l'occasion, c'est intéressant. Oui. S'il y a des jeux que vous n'avez pas eu le temps de faire ou d'acheter à l'instant T, y a toujours moyen de trouver des petits trucs que vous aviez oublié. Je me souviens il y a quelques mois, Majo, où tu nous parlais justement du soutien à apporter aux développeurs et en achetant par exemple les jeux Day One, parce que Day One, exactement, voilà. comme Moss que j'avais eu par le PS Plus, bien sûr. Voilà. Et que est-ce que tu penses que dans ces 8€, il y a combien de pourcents, quel pourcentage qui arrive à Square Enix? Ah ben il y en a pas, mais le jeu aura déjà été vendu. Ah si, si, si, si, si, il y a toujours 24% qui va au développeur quand tu achètes une boîte, qu'il soit à 9€ ou qu'il soit à 70€. D'occasion. Ah oui, mais attention, c'est un jeu d'occasion. D'occasion. Ah mais d'occasion, non, d'occasion, non. Non, on va dire que tu aides le commerce. Il a déjà été payé, en occasion il a déjà été payé. On va dire que tu aides le commerce, voilà. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. On va dire que j'aide mon portefeuille, surtout pour un jeu qui est... assez, enfin qui n'est pas récent, et puis enfin qui peut être d'actualité, je me répète, que j'ai pour moi, qui m'appartient et qui sera chez moi, voilà, enfin. Mais j'ai fait pareil pour Returnal, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, 25€. Si tu achèteras par contre Day One, le numéro 4, s'il sort un jour, quoi. Ben normalement il est prévu, effectivement. Ils en parlent, en tout cas. L'idée est sur le papier, je sais pas si le dev a commencé, mais l'idée est sur le papier. Bon, enfin voilà, tout ça pour dire que il y a encore moyen de trouver des jeux moins chers dans les petites boutiques d'occasion que sur le store. Et puis on voit quand même que la différence est notable, parce que c'est pas des jeux que vous trouverez neufs en boîte, hein, ça c'est fini, ça n'existera plus. Enfin, peut-être sur les sites de vente, genre faut Amazon et tout ça. Faut y tomber dessus, quoi. C'est pas, ouais. Mais je suis pas sûr, mais bon, voilà. C'est toujours intéressant à savoir. Et puis j'étais content d'avoir trouvé ça. Voilà. Donc sur ce, messieurs, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lolo? Non, on a tout dit pour cette émission. Bon, on espère que dans 2 semaines, il y aura plein de trucs à dire. Si plus personne n'a rien à dire, je vous remercie. Merci à ceux qui nous ont écoutés de nous avoir écoutés. Merci à ceux qui nous ont vus de nous avoir vus. Pensez à venir nous lire sur ver4player.fr. Pensez à venir nous voir sur la chaîne principale, donc de ver4player. Pensez aussi à aller sur la chaîne Vrac. On a chargé un peu cette semaine avec j'ai rajouté donc la match dont on a parlé il y a 15 jours d'After the Fall, où j'ai mis la nouvelle map et aussi l'expérience que j'avais faite, donc Castle Dreams with Prologue. Et Elroco qui a mis donc la soluce de Wanderer, puisque les patchs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus. Patch français ? Les patchs de la version sous-titrée, enfin des versions sous-titrées en différentes langues sur Wanderer sont arrivées, donc ça fait plus d'un an qu'on en parlait. Alors ils l'ont dit eux-mêmes, hein, c'est du Google Trad, mais c'est quand même du Google Trad de qualité. Bon Google Trad, ouais, ouais, y a quelques petites erreurs de temps en temps, mais quand même ça passe bien. Mais ça permet vraiment d'avoir plus de notions et de subtilités sur le scénar si vous n'êtes pas du tout anglophone. Nous, on l'a fini. Moi, je ne suis pas bilingue. Je comprends l'anglais et les lignes principales. Mais c'est vrai que je me suis plus concentré en fait, à essayer de comprendre et résoudre les énigmes que de comprendre tout le fondement de l'histoire. Même si j'ai compris à la fin l'idée principale. Mais c'est toujours plus intéressant, et surtout pour ceux que ça bloquait de ne pas le faire parce que le jeu n'était pas en français, le jeu est en français maintenant. Et c'est une valeur sûre. Voilà, Wanderer, c'est un très très très très bon puzzle game avec une très bonne réalisation, un très bon scénario, de belle mise en scène pour certaines parties du jeu. Donc vraiment, on vous le conseille, c'est un must-have. Et puis les patchs français sont arrivés. Voilà. Donc, merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt, enfin je vous dis à dans 2 semaines, toujours autour d'un verre. Allez, ciao. Merci Mathieu. Ciao, ciao. Salut. Salut. Salut tout le monde, c'est Majo. Ah putain, je suis pas bien. C'était une fosse, ça. Ah bah oui, j'espère. Oui, c'est l'entraînement. Je suis pas prêt. Salut tout le monde, c'est Mathieu. Bienvenue à la 4... c'est pas bien de se moquer. Ah bah je me moque pas, je suis malade aussi, donc... 87e, c'est ça d'être vieux, les gars. On est bon pour... Pour la casse. Oh, exactement. 87e, on a dit. 87e. On est bon pour l'asile infecté. Donc salut tout le monde, c'est Majo, bienvenue à la 87e émission des podcasts de VR for Player, et on va discuter autour d'un VR. Ok. Bien. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? C'est vrai bon. Que t'as la voix d'Annie Girardot. Ouais, à mon mignon. Attends, à mon mignon. Encore ça, ouais, ça va un peu mieux, ça va un peu mieux. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. C'est le régime Johnny Hallyday, alcool et clope. Marge Simpson. Exactement. allez.